Bon, salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, le podcast qui vous fait découvrir le monde du comics. Alors, encore une fois, je suis avec une équipe merveilleuse et sémillante. On va commencer par Gilles, parce que je vois qu'il est à côté de moi, donc. Gilles, ça va Gilles ? Ça va et toi James ? Toujours la caution cinéma de ce podcast ? Toujours, toujours. Je sais que sans moi, ce podcast ne serait pas le même. Ce podcast. Mes fans ont crié lors du dernier podcast où je n'étais pas là. Ouais. On va passer à Maxou. Bonjour Maxou. Bonjour Jamesou. Oh non ! Ça va Max ? Ça va, et je voudrais dire que j'ai pleuré aussi quand tu n'étais pas là. Et Stéphane Amen a pleuré aussi quand tu n'étais pas là. Il m'a envoyé un message. C'est pas la faute de t'avoir un message pour te dire de venir. Hein. Plusieurs même en plus. Et une autre personne qui n'était... Ah si, t'étais là au dernier podcast. J'ai toujours été là, ouais. Je suis toujours présent. C'était la seule personne qui a fait les, qui a fait les trois, effectivement. Et c'est Thomas. Salut Thomas, ça va ? Ça va, ça va. Est-ce ça que t'as sorti une vidéo sur le Geek Chic ? Ouais, en ce moment, je suis hyper actif. Sauf que c'est peut-être le quatrième podcast. Ouais, nous sommes dans le quatrième podcast, exactement. Heureusement que Max est là. Pour la caution chiffre, c'est moi. La caution chiffre est là. Non mais en tout cas, je compte refaire des vidéos très bientôt. Je pense dans la semaine, si... Si on peut promettre des choses ? Non, non, t'as raison, faudrait vraiment pas. Et on est avec un petit nouveau qui est avec nous aujourd'hui. Tu vas lui passer le micro. Salut. Alors, comment il faut t'appeler ? Ben, Benjamin, Nightwing ? Ben. On va pas t'appeler Nightwing parce que. Benji. Benji. Nightwing, c'est mon pseudo partout, donc je m'en fous, mais Ben. Oui, mais non, tu n'es pas Nightwing. Déjà parce que tu n'as pas un mulet. Ouais, oui, et tu as l'effigie de Flash sur toi, donc tu ne peux pas être Flash bon, Nightwing. Bon, salut à toi, Ben. C'est particulièrement stylé, par contre. Effectivement. On attend tous un run de je ne sais pas qui avec Dick Grissom en Flash, ce serait cool. On va continuer sur le sommaire, maintenant qu'on a dit bonjour à tout le monde. Je vais faire des petites news et petites nouveautés, je vais faire des petites news avec Maxime qui regarde ses news sur son téléphone. Parce qu'il est, c'est le podcast 2.0, c'est ça ? C'est ça, et parce que je suis la caution Europe Écologie Les Verts de ce podcast. Ah d'accord, donc oui, tout le monde qui a des feuilles. Et... Exactement. Donc on va faire des news avec Maxime, comme je disais. Après, on va enchaîner sur les reviews. Maxime, de quoi tu veux nous parler ? En news ? Non. Ou en review, à part. En review. Je ne t'écoutais pas. Je vais vous parler du... c'est bien, il fait le son, parce que c'est lui l'ingénieur du son aujourd'hui, et il ne m'écoute même pas. Voilà, je vais parler de Rocket Raccoon, par Scotty Young. Ok. Et on va passer à Thomas. De quoi tu vas parler, Thomas ? Gilles. Gilles, excuse-moi. Gilles. Moi, je vais parler de Wacky Raceland, les fous du volant, en français. Ok. Et Ben, de quoi tu veux nous parler ? Alors moi, comme j'ai beaucoup kiffé le podcast sur Suicide Squad, j'ai décidé de parler du comic Suicide Squad. Ok, et on va pouvoir dire que ce comic c'est nul à chier. Moi j'ai bien aimé. Et Thomas je vais vous parler de... quoi ? Sachez qu'il va faire, au cours de l'émission, il va faire sa review, puisqu'il t'a... Ah oui, oui, non, bon alors, petite anecdote, non je rigole. Bon, en gros, j'ai pas du tout préparé ma review, mais ça change pas d'habitude. Du coup, je vais vous parler de Star Wars Canon tome 2. Okay. Voilà, parce que j'avais présenté le 1 sur ma chaîne. Donc, une suite logique. Et moi, je vais parler de Archie Comics. Moi aussi, une review qui est pas préparée, puisque j'ai écrit deux trucs. Voilà ma review. C'est pas du tout radiophonique ce que je fais, mais c'est pas grave. Tu as écrit en italique. Oui, j'ai écrit en italique. Parce que j'ai écrit comme ça. Bon, c'est pas grave. On va passer aux news tout de suite. Et on va commencer par Maxime. Non ? Est-ce que tu veux commencer avec ta première review ? Ta première news ? Non. Non ? Bon, moi, je vais commencer alors. Alors, moi, je vais vous parler de Robert Kirkman qui a annoncé qu'il allait arrêter Invincible, la série de Image Comics, qui, après 144 numéros de bons et loués services, bah, il va s'arrêter, il va prendre sa retraite. Il va prendre sa retraite fin 2017. Et Robert Kirkman ne ferme pas toutes les portes puisqu'il a dit que peut-être il y aurait peut-être une potentielle reprise du personnage par une autre équipe créative. Donc, il n'a pas dit que c'était. Non, en fait, il a dit ça en mode oui, j'adorerais voir quand je serai plus vieux des comics invincibles, mais par quelqu'un d'autre. Il a pas dit oui. C'est comme toi quand tu vends tes comics Walking Dead, tu les mets là et t'espères que quelqu'un va les acheter quoi. Ouais, voilà, exactement. D'ailleurs, je peux te les acheter si tu veux. Vas-y, bah je te les vends contre un Minuteman. Je vends mon Minuteman de bière. On peut revenir sur Robert Kirkman et sur Invincible. Est-ce que quelqu'un a lu Invincible autour de la table ? Non, moi j'ai pas lu. Bon, moi j'ai lu le début, c'est pas mal. Ben, tu l'as lu ? Par qui t'as dit que c'était ? Robert Kirkman, le monsieur qui fait Walking Dead. Non, l'autre. Alors, déjà, j'aime pas Walking Dead, mais la boîte de prod, c'est ? Image Comics. Ok, alors j'ai jamais lu et en plus j'ai jamais entendu parler de la boîte de prod. Donc t'as jamais parlé et, qui plus est, j'aime pas Walking Dead. Et t'as jamais entendu parler de Spawn. T'as jamais entendu parler de Spawn. Ni la série et encore moins le comics. Si Spawn, j'en ai entendu parler. Je suis fan d'Unted d'ailleurs. J'aime beaucoup Unted. Et t'as jamais entendu parler d'Image Comics. Tu as lu deux trucs d'Image Comics, mais t'en as jamais entendu parler. Ah ouais, j'ai pas lu Spawn. Je connais. Mais j'ai pas lu, mais je suis fan d'Unted, je savais pas que c'était Image Comics. Moi je propose qu'on fasse une croix à chaque fois qu'il y a un truc qui pourrait niquer sa période d'essai. Parce que là il y en a une déjà. Le problème c'est que vous allez pas avoir assez de feuilles, ça va pas le faire. Il va falloir faire des toutes petites croix. Mais on est des jolis mions, on fera des croix sur les murs. Ouais. Alors, première erreur de. Alors, c'est quand même le troisième éditeur américain du marché. Ouais, alors, faut quand même savoir que je suis arrivé aux comics par Star Wars. En mode, j'ai lu. Du coup, tu connais le quatrième qui est Dark Horse. Voilà. Ouais. Du coup, je suis arrivé aux comics par. Comment elle s'appelle cette série On va pas savoir pour toi. Celle qui est sortie en film. Rebelle. C'est animé. Non, celle d'avant. Clone Wars. Voilà. Je suis arrivé aux comics par Clone Wars. Ensuite, j'ai enchaîné avec Kick-Ass. Et à ce moment-là, j'en ai eu marre et je suis arrivé sur les super-héros. Depuis, je ne lis plus que du. Vertigo. Que du Urban Comics. Quoi. Que DC Comics, en fait. Je ne lis que DC Comics maintenant. Je rajoute une croix. Ça va aller vite. C'est pas grave. On va continuer sur ma news. Donc, Robert Kirkman sur Invincible. En fait, c'est une série où il reprend les codes du super-héros pour en refaire un tout neuf. Et j'avais lu le début. Le début est sympa, mais après, ça part un peu dans des histoires bizarres. Je vous conseille le comics. C'est quand même assez cool. Si vous en avez marre de DC et de Marvel, et bah vous pouvez aller jeter un coup d'œil à une espèce de petite relecture des codes de super-héroïque. Et on va passer à une autre news de Maxime cette fois. Alors, je vais rester dans ton thème d'ici, puisque tu m'as dit j'ai fait beaucoup de news d'ici. Non, c'est moi qui fais tous les trucs d'ici. Oui, mais celle-là, tu n'en as pas parlé, j'en suis sûr. Ah, d'accord. Vas-y. Parce qu'en fait, elle est chez Vertigo. D'accord. du coup, est-ce que vous connaissez 13 ? Non. Bravo. Bon. Et toi, lecteur de DC Comics ? Et de Vertigo. Non, tu peux prendre le micro dans tes mains. J'ai jamais entendu parler. Et si je vous dis que c'est une série qui met en place une adolescente qui devient présidente des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ça m'étonne pas que tu parles d'un truc comme ça ? Tu vas finir pédophile, mec. À parler que de trucs d'un adolescent. Je vais peut-être commencer personnage aussi. Personnage préféré, Bad Girl. Donc, oui, voilà. Commence à avoir des doutes. Bad Girl, non. C'est vachement bien. J'aime beaucoup Bad Girl. Non, je te mets une petite fleur comme ça, c'est un bonus. Ça annule la croix. Vas-y, fais ta news. Du coup, en fait, bon, puisque vous en foutez, en fait, du coup, c'est une série qui est parue avec le relaunch du DCU, ouais. Qui était super prometteuse. Ouais. Et puis, en fait, les critiques sont unanimes, c'est super bien, sauf qu'en fait, les ventes, elles ont fait et elles sont. Du coup, ça a commencé à 30 000, ça a fini à 10 000. Du coup, DC Comics a dit avec Rebirth, ouais, on le fera en octobre. Vous allez voir, ça va reprendre. Brest, trop bien. Tout le monde dit que c'est trop bien. C'est notre vitrine un peu. Hipster, bobo... Vertigo... Ouais, voilà. Et en fait, du coup, là, ils ont annoncé cette semaine que non, c'était annulé, et qu'en fait, la fin de Prez serait dans un épisode de Catwoman. Voilà, cherchez la logique. D'accord. Surtout que Vertigo et DC, c'est pas forcément le même univers. Non, c'est pas le même univers, mais voilà, ils ont dit, écoutez, on va faire un one-shot avec Catwoman, okay. Et on mettra 12 pages dedans, ce sera Prez. D'accord. C'est pas con dans le sens où ça va leur ramener pas mal de lecteurs qui vont vouloir connaître peut-être le début avant quoi. Bah non, après, mais c'est vu que ce sera la fin, oui, c'est pas intéressant. Une fois que t'as lu la fin, tu peux avoir envie de savoir ce qui s'est passé avant quoi. Après, il y a un peu un shitstorm sur Twitter parce que du coup, il y a un hashtag Save Praise qui est un top tweet et Don Didio a dit non. Fidèle à lui-même. Ok, bah, on va passer à une autre news et ça va être. La meilleure news de cette semaine, je crois que Maxime sait de quoi je vais parler. Bon, parce qu'il connaît mes news, donc en même temps, il sait un peu de quoi je vais parler. C'est DC qui dépasse Marvel pendant tout le mois de juillet et le mois d'août. Alors, grâce à Rebirth. J'ai tendu la joue pour me faire battre. Je dis rajoute le mois d'août aussi, c'est vrai, c'est pendant le mois d'août. Alors, selon les chiffres du gigantesque distributeur Diamond, qui nous dit que la distinguée concurrence a emporté 41% des parts de marché par rapport à 35% pour la maison des idées, et que sur le top 20 des meilleures ventes de titres au mois de juillet, en tout cas, il y en a 18 qui sont de chez DC Comics. Et il y en a une, c'est Podamron. Et non, bah non, parce que les deux autres, c'est. Enfin, sur le mois de juillet, les deux autres, c'est. Ah oui, pardon, sur août, c'est Podamron. Ok. Il le mérite. Oh. Bonhomme si Run Sin City. On reprit des ventes grâce à Rebirth. Ouais, c'est grâce à Rebirth que tout le monde achète. Et tout le monde chie sur Rebirth avant que ça arrive aussi. Mais non, c'est trop bien Rebirth. Oui, mais après, avant que ça arrive, Rebirth, oui, tout le monde chie dessus. Après, je voudrais pondérer parce que du coup, tu parles, on part de marché. Et alors qu'en volume, ils sont quasiment à égalité. DC est à 35 et quelques. Et Marvel est à 34,90. Parce que Marvel a 10 fois plus de séries en même temps. Non, en fait, Marvel vend ses séries plus chères. Du coup. Et même, avec la, aussi. Et même avec la série Star Wars, bah, Marvel est toujours en dessous en ce moment. Apparemment. Enfin, oui. Je sais pas sur les deux mondes. Sur les deux mondes, oui. Avec Star Wars. Parce qu'en fait, du coup, par exemple, tu sors deux Batman par mois à 3€. Ouais. Contre un Star Wars en à 4,99€. En fait, 4,99. Les séries DC, elles sont bimensuelles. Et les séries Marvel, il y en a plus, mais elles sont que mensuelles. Elles sont mensuelles et elles sont plus chères. Du coup, si tu veux, en dollars, ils se font à peu près le même nombre de dollars. Mais non, c'est un peu au-dessus, je crois. L'un, c'est 35% en valeur. Et... sur l'article de Comics Blog que j'ai pris pour faire le voilà. Je disais que c'était au-dessus. Alors, comment sur les chiffres, il y a marqué 30... enfin, il y a 34,90 pour Marvel et 35 et quelques pour DC. Donc, c'est cool que Marvel, que DC, DC passe un peu au-dessus. Peut-être que ça fera un peu jouer la concurrence et qu'ils verront que leur run, enfin leur event dans ce moment est pas génial et qui fait pas trop de ventes et que faudrait peut-être changer d'équipe créative et faire un truc un peu mieux que Civil War 2 qui enfin pour avoir lu le prélude et le premier numéro c'est pas génial. Enfin la critique était bonne quand même sur Civil War. Moi j'ai trouvé c'est pas génial. Enfin après je l'ai pas lu mais... Civil War 2. Civil War. Après moi le pitch me tente du coup j'ai rien lu encore j'attends qu'il sorte chez Panini c'est mais Iron Man contre Miss Marvel. C'est ça. Ouais c'est ça à peu près ça. Ouais. Il se prend la tête avec tout le monde en fait, Iron Man. Oui, oui, bah toujours. Oui. Et on va passer à une autre news, non ? Le pitch est un peu nul en fait. Enfin, un peu nul. Hein. Et c'est ça, un inhumain qui a le pouvoir de prédire le futur et en fait, il se frite pour savoir qu'est-ce qu'ils font de lui. Est-ce qu'ils le prennent, ils le tuent ? Enfin, non, est-ce qu'ils s'en servent pour. Choper les méchants ? T'as Miss Marvel qui veut l'utiliser pour savoir où vont arriver les méchants. Et t'as Tony Stark qui dit ah bah non, le futur doit être le futur. Moi, j'ai pas envie que. Qu'on et quelqu'un lui a posé avec... la question ? Je veux dire à cette image. Ah, je poser la question. Je pense pas vraiment dans le comic, non. Ouais. Ce serait peut-être un bon début et ça éviterait peut-être toute la run. On verra bien. Et du coup, ma news qui découle de ça, c'est qu'en fait, Civil War aura deux numéros de plus. Ah oui, c'est Bendis qui a dit ça. Qu'il avait besoin, soi-disant, il avait besoin de plus parce de. Que du coup, il est un peu à la ramasse. Et puis, ça fait de l'argent en plus. Et... on sait pas encore ce qu'on va faire de Tony Stark à la rentrée. Est-ce qu'il meurt ? Est-ce qu'il meurt pas ? En tout cas, la prochaine série, c'est avec la jeune Riri Williams. Et il y a pas. Il y en a une avec Doom. Ouais, Doom qui reprend le. Et Doom, Riri Williams, c'est Invincible Iron Man, et du coup, elle, c'est Iron Heart. Ouais, c'est bizarre comme. Et après, il y en a une, et lui, c'est Iron Man, je sais pas quoi, et c'est genre le méchant. Ça m'a fait rire parce que la série, justement, Iron Heart, t'as écrit Iron Man en gros, et en tout petit, t'as écrit Iron Heart. Ça se voit, tu sais, c'est bien pour attirer l'œil. Ouais, alors il disait que Iron Woman, c'était pas vendeur. Ouais, non, c'est pas trop vendeur. Et Iron Lady, c'était pris déjà, non ? C'était Pepper Potts avant, non ? Je sais pas quoi. Ah, ok. Et en fait, ils voulaient mettre Iron Maiden, mais ils ont dit on va se faire défoncer par le groupe. Est-ce que t'as une autre. C'était ça ta news qui découlait ? T'as pas de. Si, j'en ai deux autres, si tu veux. Vas-y, je continue. Fais-en une petite, ouais. Alors. Bon, une petite alors. Pas la grosse. Ouais. La petite. Du coup, c'est vraiment très succinct, parce qu'on est toujours dans les chiffres. En fait, Marvel a annoncé qu'il voulait vendre 300 000 Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi. De Champions. La série avec Humberto Ramos, qui a l'air nul à chier. Humberto Ramos, cool. Ça a l'air cool. L'équipe a l'air sympa en plus. Oui, c'est Humberto. Qui au scénario Mark Waid. Ah bah c'est cool, Mark Waid et Humberto Ramos, c'est ça cool. Doit franchement, être franchement l'équipe créative. L'équipe créative a l'air cool et l'équipe en elle-même a l'air sympa. Puisque pour rappeler, Champion, c'est l'équipe jeune un peu de chez Marvel, donc avec Miss Marvel la petite là. Avec Nova, Miles Morales. Enfin, des personnages assez attachants et assez cool. Ouais. Qui vendent un peu du rêve. Un pronostic ou quelque chose ou c'est leurs ambitions quoi c'est un pronostic. 300 000. Ils sont arrivés, ils ont posé leur couille sur la table et ils ont fait, on fait comme ça, tu vois, ils ferment ta gueule. Alors tu vois, en fait, ils ont fait Humberto Ramos, plus Mark Waid, plus des jeunes, 300 000. C'est quoi la meilleure vente de comics chez Marvel ? Je sais pas. À peu près ça, il faudrait demander. J'ai entendu que chez DC, c'était 100 000 comics pour un comics. Je crois que c'est le Amazing Spider-Man 1 par Humberto Ramos et Dan Slott. Et je pense que c'est plus de 100 000. Donc en gros, ils veulent essayer de tripler leurs chiffres. Non, mais je pense que genre quand je dis c'est plus de 100 000, je pense que c'est genre 1 million. Ah oui, ça, ça fait plus de 100 000, on est d'accord. Ok, ouais. D'accord, ouais. Je veux pas dire de bêtises, on vérifiera et on le mettra en petite annotation. Ouais, non, mais il a fait grave. Tu mets des annotations sur des podcasts? Oui, moi je mets des traînées d'annotations. Écoute, tu vois, en fait, quand tu vas lire le podcast dans ta voiture ou dans ton baladeur MP3, il y aura un petit texte qui va dire « Non, en fait, c'était 850 000. » D'accord. J'ai breveté l'innovation, t'inquiète. Bon, bah, si vous, attention, si vous êtes sur la route, vous allez recevoir un texto dans 30 secondes. ne soyez pas surpris. Bon, je vais passer à la vraie news, la vraie meilleure news de cette semaine. Et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. C'est Sean Murphy qui a annoncé sur Twitter. Donc, Sean Murphy, vous connaissez tout, Sean Murphy quand même. Celui qui a travaillé sur Punk Rock Jesus. C'est celui qui dessine les motos. Ouais, oui, voilà. Très bien les motos et les voitures. Donc, il est aussi sur The Wake, sur Tokyo Ghost. Et il a annoncé que pendant deux ans, Sean Murphy va n'être complètement que sur Batman. Ça va être vraiment donc cool. En plus de ce qui avait été annoncé, comme il allait bosser avec Scott Snyder sur All-Star Batman, qu'il allait faire le final de cette espèce d'anthologie de récits, enfin la vraie fin entre guillemets du run de Snyder, en plus il aurait une série complètement à lui, qui serait c'est une mini-série de 8 épisodes complètement hors continuité. Donc une espèce de Elseworld où Bruce Wayne, je sais pas, enfin, il a pas trop dévoilé encore ce qu'il allait faire, mais il a dit qu'il y aurait plein de Batmobiles, ouais. Et plein de Batmoto et de Batavion. Ouais. Mais il a dit qu'il allait revisiter aussi tous les personnages à sa sauce. Et vu le style graphique de Sean Murphy, j'ai bien envie de voir ça quand même. Ça risque d'être vraiment classe. Ça me vend vraiment beaucoup. Déjà, ces couvertures qu'il fait pour Batman, elles sont excellentes. Mais alors, tout un comics là-dessus. Je pense qu'il va galérer à l'ancrage, mais en tout cas, ça va être vraiment bien. Donc, deux ans de trucs. Après, si c'est lui qui fait tout pendant deux ans. C'est lui qui écrit et c'est lui qui dessine. Voilà, c'est celui qui dessine. Si ça rate le premier mois, vous allez être vachement dans la merde. Sean Murphy, c'est une source sûre, ouais. Quoi qu'il arrive. Tu vois, t'as des gens comme ça qui impriment des billets et lui, il en fait partie, tu vois. Il y a lui et Madame Poule. Et il va commencer quand, du coup? Sachant qu'il a dit qu'il avait deux ans, donc non, je sais pas quand ça commence exactement, mais en tout cas, moi ça me vend beaucoup de rêves. Et je pense que c'est peut-être un comics, je ne sais pas pareil si c'est pareil pour que moi. Je le mets déjà dans mon top 1. Je l'achèterai peut-être en VO pour l'avoir, parce que moi je préfère avoir une bonne édition Urban Comics. Mais les deux, tu vois. Ah, ok. Vrai puriste. Ton édition VO, tu vois, les 8 singles VO. Et, bah surtout que toi, tu peux le faire. Ouais. Ouais, bah toi, tu te fais offrir des comics. Donc, et je vais le redire, mais encore une fois, tu parles dans le micro, là. Oui, mais il faut que tu parles là. Là. Tu parles pas là, tu parles là. Là. Voilà. Voilà. Oui. T'arrêtes de le défendre. Est-ce que c'est toi l'ingénieur du son? Non. Voilà. Moi, je suis le rock leader. Une sorte de triangle amoureux ici. James aime Maxime, et Maxime aime Tom. Ce qui fait que nous, on va partir et on va les laisser tranquilles pour le reste de la soirée. En plus, on a trois micros, c'est parfait. Il y a un fil rouge. C'est le fil rouge de nos aventures. Donc, est-ce que t'as une petite autre news? Il faut que j'arrête de faire parce que je vais devoir les virer tous au montage. Ça va être horrible. Alors, oui, j'ai une news. Espèce de connard. Je la refais comme ça, tu peux couper. Oui, j'ai une news. Et c'était un peu le shitstorm de Twitter ces derniers jours. Je sais pas si vous avez suivi. Deux fois du shitstorm. Ouais, parce que du coup, moi j'adore les dramas, comme vous savez. C'est la drama queen. La caution drama queen, c'est Maxime. Et du coup, je vais vous parler de Spider-Man Homecoming. Et en fait, vendredi dans la journée, alors j'étais au travail, comme ça, je tapais sur mon petit clavier. Et puis, bim! Twitter et du coup Mary Jane qui est black, c'est ça le Mary Jane qui est incarnée par Zendaya, qui est une latino issue de Disney Channel. Moi je trouve ça cool. Ouais, moi aussi je trouve ça cool, mais du coup à un moment on disait que c'était Michelle, la colocataire de Ultimate Spider-Man à un moment dans la série. Et en fait là tout le monde dit en fait, est-ce que ça serait pas ça a même pas été annoncé en fait. Non, c'est pas annoncé. Ah, moi, je c'est une rumeur, hein, c'est pas sûr. C'est juste une rumeur. C'est Latino Review, je crois, qui en parle et qui dit oui, alors c'est Mary Jane. Et du coup, sur internet, il y a des gens oui, ils sont pas, elle est pas rousse. Et, j'aimerais juste rappeler à ces gens que Kristen Dunst est blonde. Bah après, je sais pas ce que vous en pensez, mais genre, il y a eu tellement de films Batman qu'à un moment, faut bien se différencier un peu des anciens aussi. C'est Spider-Man. Spider-Man. Tu peux rajouter. Moi, je suis coché d'ici, je vous emmerde. Tu rajoutes une croix. Non, okay. Et fais gaffe de ce que tu vas dire de Spider-Man comme comique. Non, mais je dis pas de mal de Spider-Man. C'est pas un super-héros que j'aime particulièrement. Allez, hop, une croix de plus. Croix. Mais je dis pas de mal de Spider-Man parce qu'il a quand même bercé mon enfance avec les films de Sam Raimi. Tu peux mettre une croix aussi, là. Ouais, j'en mets une pour toi. Même si je préfère les deux films qu'il y a eu après. Allez, hop, bim, voilà. Tu gagnes une petite fleur. Non, voilà, non, j'ai quand même préféré Andrew Garfield parce que le premier Spider-Man avait pour moi une tête à claque et je le supportais pas. Mais ça a quand même bercé mon enfance et il y a eu tellement de Spider-Man jusqu'à maintenant qu'à un moment, il faut bien se différencier de ce qu'il y a eu avant, quoi. Donc, il faut bien annoncer des trucs différents. Il y a eu trop de. Enfin, il y a eu déjà une Mary Jane, il y a déjà eu. Bon. Moi, ça me là, choque pas plus que pour 4 croix. Non, je suis d'accord. Il faut se différencier, mais il y a eu juste une MJ, c'est pas comme si ça faisait. Oui, parce que l'autre c'était Gwen Stacy. Oui. Oui, mais il y en a déjà une, donc il faut bien que les gens maintenant, tout le monde n'est pas fan de comics et il faut bien que les gens arrivent à passer à autre chose, quoi. Du coup, je disais pour 4 croix. Gwen Stacy ou Mary Jane? Attention. Gwen Stacy. Attention. Gwen Stacy. C'est bien. Tu as gagné une petite fleur. Du coup, est-ce que tu as une autre news? Parce qu'on a tous réagi sur ça. Non, parce que du coup, la question cinéma, elle a pas. On n'a pas réagi sur moi, le. Franchement, je m'en fous qu'elle soit black, qu'elle soit chinoise. Ou... Enfin, c'est un personnage, hein, faut qu'il soit adapté. Non, mais après, elle est pas. C'est pas non plus comme la torche humaine, quoi. C'est genre juste, elle est latino, quoi. Enfin, c'est... Même la torche, hein, ça, ouais, la ça torche, t'avait choqué, pas... toi, qu'il soit. Moi, ça m'avait fait bizarre. Enfin, au départ, j'avais pas compris pourquoi sa sœur était blanche. Après, c'est expliqué dans le film. Mais au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et mais... pour Doctor Strange, ça choque aussi que ce soit une femme qui joue l'ancien? Non, non, pas du voilà, tout. Donc, non, non, mais que les méchants soient un black. Oui, voilà. Non, non, non, ça me choque pas du tout. Mais c'est en soi, dans les 4 fantastiques, c'était juste un film nul. Donc, il n'y a pas à débattre. Si tu veux, je peux encore dérouler sur Homecoming, si tu veux. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, il me reste une dernière news. Qui sera peut-être un peu sur Homecoming, du coup, parce que j'ai un peu scruté le casting, c'est un peu le truc pourquoi je me lève tous les matins, tu vois, pas pour aller travailler, juste pour voir les news sur Homecoming. Les news sur Homecoming. Et du coup, il y a une petite jeune fille qui est blonde, qui a 15 ans, non, ça fait pas trop pédophile, qui s'appelle Angourie Rice. J'invite les gens à mettre pause, à se garer sur le bas de la route et taper sur Google Angourie Rice. Arrêtez, ne jouez pas à Pokémon Go en voiture et ne regardez pas de photos de Angourie Rice en voiture aussi. Parce que pour moi, c'est Gwen Stacy. C'est... Ah. Mais Gwen Stacy serait plus jeune que le petit Peter Parker. Bah après, on dit qu'il est au lycée, donc il a peut-être 16 ans ou 17 ans, tu vois. Okay. J'ai une question personnelle à Maxime. Vas-y. Est-ce que tu fais un Meet Girl? Pas trop. Parce que c'est bon. Tu vois, il a failli tomber dans le pédophilie. Dans la pédophilie, il a non, réussi en fait, à... Il a réussi à passer le... Des années d'entraînement. Bon, on va passer à ma dernière news. Alors, moi, la dernière news que j'ai intitulée « Kevin Smith n'a jamais fini de dire de la merde ». Parce que vous connaissez sûrement Kevin Smith, donc le réalisateur de Dogma, de Flash, l'épisode de Supergirl aussi. Oui. C'est pas celui dont... Très bon. Comment il s'appelle déjà? C'est le muet dans Clerks, dans ouais. Dogma, dans... C'est quand même un grand, enfin un grand. C'est ouais. Un bon réalisateur. C'est le mulet dans Dogma? Non, c'est le muet. C'est le muet. Silent Bob. Est-ce que c'est celui dont le comique des comics parle tout le temps? Oui, c'est lui. Kevin Smith, c'est celui qui a fait. Il a beaucoup de renommée pour pas grand-chose, je trouve, quand même, Kevin Smith. Hein. Bah, ses films sont cool quand même. Oui, mais je veux dire, même dans l'univers comics et tout. Ouais, il a fait pas mal de. C'est celui qui a fait plein de merde sur Batman. Ses séries sur Batman sont pas géniales. C'est pas toi qui me disais qu'il avait un podcast, je sais pas quoi. Si, il a un podcast qui est super connu aux États-Unis. C'est peut-être pour ça qu'il est vraiment. Il parle beaucoup dans les médias et il a fait pas mal de trucs. Il a même fait un épisode de Dégressif, c'est une série canadienne. Il joue dans Die Hard 4 aussi. Oui, il joue dans derrière. Bah, aussi. Allez voir les vidéos du comics. Les vidéos du comics sont de base sont cool, mais c'est. Ils sont très drôles. Vous souvenez-vous de. Tu veux parler de ce qu'il a dit sur Justice League? Alors, je veux reparler de ce qu'il a dit sur Justice League. Donc, monsieur aurait dit que Marvel avait imposé des standards d'humour, et que le grand public se serait habitué à ces standards et voudrait ces standards. Donc, selon lui, parce que soi-disant, il est proche des dirigeants chez Warner, et les dirigeants chez Warner auraient compris que c'est ça ce que voudraient le grand public. Et comme un grand monsieur l'a déjà dit, que Maxime va nous le dire... Un grand monsieur qui est autour de cette table a dit « Le grand public a toujours tort et c'est des connards. » Voilà. C'est Écoute, c'est ce grand monsieur. Genre, C'est peut-être la news sur laquelle je réagis le plus, mais ce mec en fait est super intelligent, il a tout compris. Non, mais il a rien compris. En fait, c'est exactement ça. Les gens. Attends, mais laisse-moi finir. Avant de commenter, laisse-moi finir la news. En fait, il est en train de dire. Je te mets une croix. Alors, en fait, il a dit que, donc, soi-disant, les Warner auraient compris et va enlever tous les trucs soi-disant sombres et soi-disant sérieux des films Warner pour en faire des films rigolos et fun. À la Marvel. Bon, il a pas vraiment dit ça non plus. Hein. C'est ce qu'il sous-entend. Il sous-entend très fort. C'est ce qu'il sous-entend. Si Warner très fait ça, genre, il faut leur enlever DC Comics, ils ont rien compris. Mais déjà parce qu'il parle de Justice League, il parle même pas de Wonder Woman. Tu peux remettre une croix parce qu'il vient de se contredire. Non. Si Warner fait ça, il faut leur enlever DC Comics parce que. Pour moi, DC Comics, ça marche pas comme ça. Et par contre, ce mec a tout à fait raison. Les gens sont habitués à Marvel. C'est pas ça qu'il faut leur donner. Non, je dis pas que c'est ce qu'il faut leur donner. Je dis que les gens ils sont habitués. Je dis que les gens sont habitués à des Tony Stark et à des Ant-Man, qui sont quand même, enfin pour moi, les deux personnages qui font des vannes H24 dans Marvel, quoi. Les gens sont habitués à ça maintenant et les gens veulent ça. Donc du coup, quand tu leur sers un BVS, malgré tous les. Oui, il y a plein de gens qui râlaient que c'était pas drôle et voilà, tout. Voilà. Mais... du coup, ça nous donne Suicide Squad derrière, quoi. Ils retournent des scènes d'humour avec des Kyler Croc qui disent quand Amanda Waller s'en va du cadre, moi je l'aime bien. Alors que c'est super forcé, donc je sais pas. Après, la VF fait beaucoup. Ouais, moi, je l'ai vu en VF, malheureusement, bon, ça, c'est pas de bol. Ouais. Mais je sais pas, genre, pour moi, ce mec a tout à fait raison, c'est exactement ça. Et si Warner fait ça, faut vraiment leur enlever DC Comics et les filer à quelqu'un d'autre, quoi. Pourquoi pas les filer à Marvel, du coup? Moi, je suis d'accord. Comment tu t'appelles? En fait, il a dit qu'il avait aimé Suicide Squad et qu'il voulait qu'il parte sur ce ton-là, en fait. Ah, Kevin Smith. Ok, ouais, je retire, ce mec est un connard. Ah, il a dit ça, ok. Oui, il a dit ça. Ah, ok. Et que selon lui, Wonder Woman et Justice League allaient partir sur ce. Mais ça après, va partir vers ça après, pour moi, je pense. Dans la suite de la. On a dû lire la même news. C'est... Même eux, ils savent pas s'il a vraiment des rapports avec les. Oui, oui, c'est des on-dit de Kevin Smith. Après, est-ce que. Parce que c'est son pote, c'est Ben Affleck. Mais après, c'est pas pour ça qu'il va quand il veut sur le tournage. Mais en fait, c'est qu'il présente plein d'émissions avec Jeff Jones autour d'univers. Ouais, mais voilà, mais c'est pas pour ça qu'il sait non plus tout ce qui va se passer. Oui, oui, je dis pas qu'il sait, mais. Moi, je reste sceptique quand même à ce qu'il a dit. Hein. Mais genre, comment est-ce que. On est d'accord que Jeff Jones, il y est sur les films DC? James Jones, il a le rôle de Kevin. Si tu veux, James Jones, c'est une Kevin Feige. De chez DC. Maintenant. Ouais, maintenant. Genre, depuis. Il a écrit du DC, on est tous d'accord. Ouais. Genre, à quel moment il peut laisser la Warner faire des films comme ça, en fait? Moi, c'est ça. Mais que il avait. Enfin. Je pense qu'il a pas le choix parce que c'est pas possible, en fait. Tu peux pas connaître DC Comics et laisser faire ça pour moi. Enfin. Il a pas été là pour BVS ni Suicide Squad, il est là que depuis. Après, c'est lui. Il est producteur quand même sur Suicide Squad. Enfin, ses premiers vrais films à lui, ça va être Wonder Woman et. Du coup, pas encore Wonder Woman, je crois. Non, ce sera. Non, son premier vrai film en tant Justice que. League. Vrai film, ce sera. Wonder Woman sort avant Suicide Squad, c'est ça sort avant Justice oui, League. Oui, c'est ça. Wonder coup, Woman, c'est juillet et novembre Justice League. On peut peut-être enfin espérer quelque chose de DC Comics chez Warner, quoi. Parce que bah, on aura peut-être enfin quelqu'un qui connaît DC Comics et pas les producteurs de Warner, quoi. Après, Jeff Jones, moi, je trouve qu'il fait dans le blockbuster dans ses comics et que. Du coup, je pense quand que ça va rester Aquaman, dans la même veine. Quand tu lis ce qu'il a fait sur Green Lantern, c'est génial. Enfin, après, ouais, moi je trouve que James Jones fait des super bons boulots. Mais genre après, adapter ce que ferait James Jones au cinéma, ça oui, serait pas serait le plus intéressant. Non, mais après, pas l'adapter, mais il peut avoir le rôle de Kevin Feige qui dit on part dans cette direction, on ouais, fait ça. Ouais. Et... Kevin Feige, il a des plans, soi-disant, il a des plans sur le long terme. Ah oui, peut-être que Jeff Jones va commencer à faire ça, avoir des en plans tout cas, sur le long vu terme. Des bandes d'annonces. Mais avant lui, c'était Snyder et sa femme qui géraient un peu. Pas enfin... trop quand même. C'était surtout le Charles Robbins, quoi. Ouais, et lui, c'est un tâcheron, non? Oui, lui, c'est un tâcheron. Okay. En tout cas, au vu des bonnes annonces de Justice League, comme mais c'est pas Kevin une vraie Smith, bonne annonce. On en a parlé pendant en long et en large. Ça, mais en plus avec le film Squad, j'ai plus l'impression que ça part vers une démarche un peu plus à la Marvel. Ouais. Avec, en fait, après, ils veulent pas deux voir. Chaises, tu vois, ils font pas d'argent. Ils donc, font pas vois, d'argent. Donc du coup, ils sont là en mode, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Bah, pourtant, les films de Suicide Squad a rapporté 600 millions, mais pour le film, ils en ont dépensé quasiment 200 millions. Pour la promo, plus, ils en ont dépensé. En plus, les vrais budgets d'Hollywood, c'est pas ça. Tout l'argent qui rentre. Du coup, là, pour l'instant, ils sont même pas dans leurs frais. Hein. Les vrais budgets d'Hollywood, on les connaît pas vraiment. C'est tellement obscur. Ce sera autour leur... de 800-850 qui seront contents. Que pour eux, ça ira. Mais en dessous, ça va pas du tout. Mais en fait, du coup, pour le moment, genre, le gros problème des films de comics, pour moi, pour le moment, c'est qu'on a Marvel d'un côté et Marvel Beast de l'autre côté, en fait. Et sauf que Marvel Beast, c'est un peu comme les contrefaçons congaises, quoi. C'est genre comme Transformers, non, Transformers quoi. Mais après, t'as la Fox qui marche, hein. Ouais, super bien. Surtout les 4 fantastiques, un super film, je recommande. Mais oui, mais les, putain, si tu veux, après. Ils font des billes, ils font des thunes avec leur truc, quoi. C'est le problème. Bon, déjà, tu prends une croix gratuite. Si tu veux, le truc, tu vois, tu parles de 4 fantastiques. Mais si tu veux 4 fantastiques, pour moi, je vais me faire taper par le James de cette table. Le Rogue Leader. Pas le Rogue Leader qui ne l'est pas. C'est toi qui m'as appelé comme ça, mec. Si tu veux, les 4 fantastiques, pour moi, c'est le BVS de la Fox. Mais tellement c'est pas. C'est-à-dire que c'est un film qu'ils ont fait juste pour conserver les droits. Parce qu'en fait, s'ils lançaient pas un projet. Parce qu'en fait, le deal chez la Fox, c'est ça. S'ils lancent pas un projet 4 fantastiques tous les 4 ou 6 ans, ils perdent les droits et ça retourne chez Marvel. Donc, du coup, ils ont pas ce problème-là, vu qu'ils DC leur appartient. Warner, ils ont pas ce problème-là. Mais du coup, ils sont obligés. Si tu veux, en face, t'as une machine qui fait 1 milliard à chaque film et qui, du coup, est super profitable. Ils vont se dire, putain, mais il faut qu'on croque dans la pomme. Nous, on a des mecs, on a Batman, ça explose 90% des Avengers. Et c'est vrai, tu vois. Enfin, moi, je préfère largement lire du Batman ou voir du Batman que Tony Stark. Et du coup, il est quand même plus connu, tu vois. Pour ma part, avant que les Avengers sortent, enfin avant que. Oui, c'est ça, c'est les films tout le MCU commence. Mmh. Moi, je connaissais Batman, je connaissais Superman. Iron Man, j'en avais jamais entendu parler. Captain America, j'en avais jamais entendu parler. Enfin voilà. Mais regarde maintenant, le public que vise Marvel, c'est plus les trentenaires geeks. Les gamins. Clairement, mais le public maintenant, c'est les gamins. Si, mais si, mec. Non, mais DC aussi. Hein. Mais du coup, genre. Parce que regarde tout le merchandising. Avec BVS. Oui, mais regarde tout le merchandising sur les jeux, les jouets et tout. C'est pas pour les trentenaires. Ah non, c'est... je suis pas d'accord, les jouets, je les achète. Oui, mais c'est pas ton public visé. Mais je veux dire, quand un film sort, ils savent très bien que la tranche d'âge qui va aller plus au cinéma pour tous les films, ça va être les 15-30 ans. Mais ça va pas être les 30 ans et plus. Les films de super-héros, à la base, c'est pour les 15-30 ans. Et bon, là, je vais me faire frapper, mais genre, de base, pour moi, DC Comics, ils avaient sorti Green Lantern, qui est pour moi un mauvais film. Pour moi qui suis fan de cinéma. Mais pourquoi on est parti sur un débat cinéma en fait là. Mais en termes d'effets visuels, c'est un mauvais film. En termes d'acteurs, c'est un mauvais film. En termes d'histoire, c'est un mauvais film. Du coup, bah, j'espérais qu'avec le renouveau de DC Comics, Man of Steel et ce qui en suivait, ça allait enfin commencer à décoller. Man of Steel, j'ai été déçu quand c'est sorti. Je suis sorti de la salle en soupirant. BVS, je suis sorti de la salle en soupirant et j'ai dû attendre la Director's Cut pour enfin voir quelque chose qui me plaisait. Tu peux mettre des croix, t'en mets 3, 4, 5 là. Allez, 4. Vas-y. Et genre maintenant qu'il y a la Director's Cut de BVS, ben, j'aime bien le film, mais avant ça, moi je connais quelqu'un, il est sorti de Green Lantern, il était content. Ouais, mais. Tu vas te faire enculer. Il était doux. Je veux dire, il y avait lui et le réalisateur. Et le réalisateur, c'est pas sûr. Et Suicide Squad, au final, je suis allé le voir une première fois. Et à la fin du film, je me suis dit, putain, je pense que j'aime le film parce que je suis fan de DC. Je suis retourné le voir une seconde fois et avec mon meilleur pote cette fois. Et. Ce qui m'a fait rire dans le film, c'est le fait qu'il soupire toutes les deux secondes à toutes les conneries qu'il y avait à l'écran. Et en fait, au final, moi, le seul souvenir que je garde de ce film, c'est mon pote qui soupire parce qu'il est en PLS dans un coin de la salle en train de pleurer, quoi. Mais ça s'arrête plus ou moins là pour moi, Suicide Squad. On va arrêter sur ça parce qu'on en a parlé en long et en large. Ouais, dans on parle tout le temps de BVS. On parle toujours de. C'est le débat qui s'arrêtera jamais, on n'aura jamais de réelle réponse. Donc on va partir sur les reviews. on peut savoir un petit décompte des croix, s'il te plaît. Et des petites fleurs. Alors. Au moment où on attaque les reviews, tu as 9 croix et 3 fleurs. Attention, attention. Tu as moins 6. Et là, j'enchaîne sur le comic Suicide Squad, donc je suis mort. Oui, on va reparler de Suicide Squad, putain, j'en peux plus. J'en ai marre de parler de Suicide Squad. Si tu veux, je fais Grayson, hein, je l'ai plus ou moins en tête. non, c'est bon, ça va aller. Du coup, on va faire les reviews et c'est... Moi, je dis, ouais, bisutage, tu commences. Ouais, allez, go. Go, vas-y, commence. Quand on m'a demandé de faire une review, en tant que grand fan de Nightwing, moi je suis parti sur Grayson. Mais tu t'es en train de teaser ce... Non, mais voilà, donc je suis parti sur Grayson. Et comme Grayson c'est nul, on t'a coupé. On t'a dit, comme Grayson ça. Est super bien et que pour moi c'est un des meilleurs comics de New 52. Tu prends une croix. Ouais, une voilà. Croix, il a dit New 52, on dit. Ouais, donc tu prends une autre croix de plus. Désolé. New 52. Ça va être dur, hein. Du coup, faut savoir qu'on tourne à 18h. Hier matin, James m'a envoyé un message. Ton Grayson, on va le garder pour autre chose. Est-ce que tu pourrais réécrire quelque chose? Du coup, avant de partir au boulot, je me suis pointé devant ma bibliothèque en mode. C'est trop gros. J'ai pris Suicide Squad qui doit faire 100 pages à tout péter. Moi, je pensais à un truc que t'avais vraiment en tête, hein, un truc que tu. Ah non, j'avais plus rien en tête, puis surtout j'avais pas le temps de lire quoi que ce soit, quoi. Donc du coup j'ai pris Suicide Squad. Tu prends une croix parce qu'on critique pas James. Voilà. Donc du coup j'ai pris Suicide Squad parce que bah, ça se lit vite, ça se lit dans le bus rapidement. Alors en plus ça m'a permis de le relire après être allé voir le film. Ce qui a permis de me demander pourquoi est-ce que le film était mieux que le livre et pourquoi le livre était un meilleur film que le film en fait. Le meilleur film c'est Arkham Asylum pour les fans de Suicide Squad. Non, pour mais ceux qui veulent voir un bon film de Suicide Squad. J'ai vu, j'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça chiant. Mais du coup, genre, pourquoi est-ce que le bouquin est un meilleur film que le film? Mais c'est bon, pas un film déjà. Ouais, mais pour moi, c'est un meilleur film que le film qu'on a vu au cinéma. Genre, l'histoire, c'est plus ou moins la même que celle qu'on a vu au cinéma. C'est une équipe, on suit la création de la Suicide Squad, pas avec les mêmes personnages pour le coup, avec notamment Killer Croc, que je trouve dégueulasse dans le film, qui est remplacé par Shark. Killer Shark. Ouais. C'est qui au dessin? Ouais, au dessin et au scénario. Au scénario, je l'ai noté, c'est Adam Glass. Et au dessin, c'est Federico Dall'Occhio. Ils ont fait quoi, hein? Ça, j'ai pas eu le temps de chercher, j'étais au boulot, je te rappelle. C'est au boulot, pour le moment, je n'ai même pas mes passes pour rentrer sur mon ordinateur. Alors, les codes internet, c'est pas pour tout de suite. D'accord. Ça vit une croix. Du coup. Merci, petit Gilles. On est sur l'histoire de Suicide Squad, plus ou moins la même que le film. On suit la création de l'équipe avec des personnages qui sont pour moi plus intéressants que ceux du film. Déjà, pour commencer, on garde Deadshot et Harley Quinn et. C'est plus ou moins. Pas Killer Croc? Non, j'ai dit que je n'aimais pas le Killer Croc du film. Oui, que je trouve dégueulasse. Oui. Et que du coup, je préfère, en l'occurrence, d'accord, je préfère Shark. Est-ce que tu aimes King Shark de Flash? Il y a un King Shark dans Flash? Tu joues deux croix. tu joues deux croix. Mais t'es sûr qu'il y a un King Flash? J'ai pas vu, mais je suis sûr que c'est nul. Non, moi je le trouve pas bien fait. Redis-le, t'as pas entendu. Mais c'est une série. Mais je le trouve quand même pas bien fait. Non, franchement. Bim, tu prends deux croix. Allez, bisous. Mais de toute façon, j'ai mis longtemps à mettre à Flash, mais c'est pas le sujet. De base, j'étais fan d'Arrow, moi. Tu prends une croix. Non, tu prends une croix. Je suis particulièrement fan de Stéphane Hamel, que je suis partout maintenant. Tu prends trois croix. Écoute, tu prends un arc-en-ciel. Ça vaut 4 fleurs. Bon, ah, parfait. Je prends un stylo, je vais faire mes propres croix. du coup, voilà, on reste sur les mêmes histoires. Là, ils sont envoyés dans un stade. Bon, je spoil pas, parce que c'est le début du comic. C'est vraiment genre les deux premiers chapitres. Ils sont envoyés dans un stade contaminé et ils doivent récupérer un colis. On sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs, je tiens à dire que les dessins du colis sont vraiment dégueulasses. Le combat contre du colis spécifiquement. Non, en fait, c'est genre ils doivent récupérer le colis à un endroit spécifique. Est-ce que tu travailles chez Chronopost? Je travaille à la Poste. C'est pour ça qu'il est tatillon sur les colis. Voilà. Je suis très tatillon sur les colis. Tu mais prends une croix parce que j'ai perçu mon truc hier. Je suis informaticien à la Poste, donc ça veut rien dire. Quoi. Et du coup, donc on est. Je tiens à dire que les dessins au moment où ils récupèrent le colis sont vraiment dégueulasses. C'est genre pour le coup, ça m'a. J'ai pas du tout accroché à. J'ai eu le comics et franchement, les dessins sont vraiment dégueulasses. Ouais, les dessins sont vraiment dégueulasses tout le long en fait. Je dois avouer que les dessins sont pas très beaux. Mais non, pour moi, ce qui m'a plu dans ce comics, déjà pour commencer, c'est que par rapport au film, en fait, quand j'ai lu le comics, j'ai repensé à la phrase de Harley Quinn dans le film, nous on est des méchants, quand elle pète la fameuse phrase où elle pète la vitre, elle récupère le sac. Et bah, effectivement, dans le comics, ce sont des méchants, ce qui sont pas dans le film en fait. Deadshot, il n'hésite pas à buter des gens, c'est son boulot, donc il le fait bien. J'avais découvert un personnage que je connaissais pas du tout, qui était Voltaïque, qu'on voit pas longtemps, mais qui a un pouvoir plutôt cool, j'avoue. Mais je le connaissais pas avant ce comic. C'est quoi son pouvoir? Voltaïque, c'est l'électricité en fait. Il contrôle l'électricité. C'est le static shock du pauvre. C'est le El Diablo de l'électricité en fait, d'accord, mais en moins fort. mais on le voit pas longtemps pour le coup dans le comics. Donc voilà, pour moi. Dans le comics, c'est les Suicide Squad, donc c'est des super méchants. D'ailleurs, plusieurs fois, ils font pas référence à Suicide Squad, mais à la Task Force X. Et Suicide Squad, en fait, c'est les matons. On apprend que c'est les matons qui les ont appelés comme ça, mais eux, en fait, c'est pas du tout leur nom. Ce qui fait que dans le film, on les appelle jamais Suicide Squad. Bah, en tout cas, si tu regardes le comics, c'est Riflex qui les appelle comme ça. Un escadron suicide à un moment, ils disent. Ouais. Mais c'est en fait, si tu regardes le chef d'œuvre s'appelait Task Force X Arrow en saison fait, 2, on les appelle aussi les Squadrons. Oui, mais Task Force X, voilà. c'est un truc de Marvel. Ouais, y a pas un truc chez les X-Men qui s'appelle comme ça. Ils l'appellent comme ça. Ensuite, un truc que j'ai pas mal aimé, c'est qu'il y a pas mal de brassages dans le comics. Il y a pas mal de, on voit pas mal de super méchants. Alors, j'ai pas tôt forcément fait la différence entre les méchants et les gentils. Genre, à un moment, il y a un personnage qui s'appelle Yo-Yo que j'avais jamais vu jusque-là, nulle part. Qui joue le avec Yo-Yo. Alors, tu sais que sa vanne d'introduction, c'est quand il se pointe devant l'équipe, il dit et non, j'ai pas une ficelle qui me sort du cul. Ah, mais vraiment, c'est la phrase qu'il y a écrite dans le comics, je vous le sors si vous voulez. Donc, voilà pourquoi j'ai arrêté de dire en intégralité du DC Comics. Non, voilà, alors c'est un personnage qui sert à rien en fait. Enfin, genre, il apparaît un chapitre puis il disparaît. D'accord. Mais j'en avais jamais entendu parler jusque-là. Donc voilà, il y a quelques personnages comme ça. Et on arrive à la fin du comics, qui est en fait pour moi le point fort du comics, donc sans spoiler, mais la fin de l'histoire introduit donc la suite de Suicide Squad. du comic Suicide Squad et devrait nous permettre de revoir l'apparition de certains personnages. En fait, le comic se passe juste avant La mort dans la famille, non, Death in the Family, ouais. C'est ça. Donc le comic se passe juste avant ça. Le run de Manapool ou non, de, putain mon dieu. Je vais la refaire. Le dernier qui est sorti là. Oui, donc c'est pas Death in the Family, c'est Death of the Family, voilà, c'est ça. Donc ça se passe juste avant ça en fait. Et donc ça nous tease l'arrivée, le retour de Death of the Family. Et je trouvais ça plutôt bien foutu. Alors c'est con qu'il l'ait sorti après du coup, puisque Suicide Squad est quand même sorti bien après Death of the Family, mais je trouve ça plutôt bien foutu. L'histoire m'a pas gêné quoi, clairement. Okay. Sinon pour le dessin, c'est dégueulasse. Genre vraiment, pour le coup là je le défends pas. Ouais, c'est pas génial, les dessins sont pas géniaux. Du coup les dessins sont pas beaux, c'est pour moi alors ce que j'appelle trop brut, c'est genre les traits sont super marqués, c'est très carré, il y a pas genre t'as l'impression que les personnages c'est limite des personnages de Minecraft quoi. C'est voilà, pour moi c'est, et puis après il y a la couleur qui est dégueulasse, c'est fade, c'est ça donne pas envie, il y a pas beaucoup, enfin ça donne pas, pas génial non plus en plus. La couve est pas très belle, Harley Quinn est dégueulasse sur la couve. Je l'ai sur moi. Je peux voir. Je l'ai sur moi, je l'ai là. Voilà. J'aime pas trop. Donc, elle fait pute sur la couche, je crois. Ouais, bah alors ça, après le film, est-ce qu'on peut encore dire que c'est vraiment un problème. Donc voilà, pour moi, j'ai pas été fan de ça. Et. Est-ce que c'est assez cartoony pour toi Non. Enfin, si, c'est assez cartoony, mais le dessin est pas super, super. Je crois que c'est à la fin du premier ou du deuxième chapitre. C'est genre quand ils sont encore dans le stade, donc c'est au début. Et du coup, moi, je voulais te demander. Bah tiens, qui était là. C'est con. C'est juste avant, en fait. C'est tellement radiophonique ce qu'on est en train de faire. Ouais, c'est ça. Et sinon, donc voilà, le comic, c'est. Oui, le comic, c'est pas génial. Voilà, c'est ça le colis en fait. Donc c'est elle et ça devient ça. Je trouve ça vraiment dégueulasse pour le coup. Et oh, je voulais te demander, parce que du coup, est-ce que Harley Quinn, là-dedans, a le syndrome Deadpool? C'est-à-dire que c'est l'ersatz de Deadpool chez Marvel. Bah, écoute, je vais te montrer un truc. Tu vas comprendre. C'est pas bon, tu l'as. Excuse-moi, je te le rends juste après. Je te montre juste la dernière page et tu vas comprendre en fait ce qu'ils ont donc fait d'Harley Quinn dans ce comics. Voilà. Oui, effectivement. Donc voilà ce qu'ils font dans les Queens dans le comics en fait. D'accord, ok, donc ça sert à rien. Bah non, parce que c'est super radiophonique en fait, donc voilà. Donc en fait, Harley Quinn meurt à la fin du tome, voilà. Allez, bisous. Maintenant, ça devient radiophonique. Non, moi je voulais le faire sans spoil, hein. Je tiens à ce que ce soit. Mais ça sert à quoi? Je te le prête si tu veux, je te le donne, je te l'offre. Je te donne de l'argent et tu repars avec, d'accord? Non, mais du coup, voilà, c'est vrai que voilà. Ah, mais il y a le Joker même dedans. Non. C'est pas le Joker? Enfin si, mais en fait c'est des flashbacks qui expliquent comment est-ce que Harley Quinzel est devenue... Oui, parce que faut quand même garder l'idée du film, donc ils nous ont fait les mêmes flashbacks. Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui a jamais lu de comics? Ça? Ouais. Ah ça c'est un coup à ne plus jamais lui en faire lire. Ah d'accord, c'est pas une bonne idée en fait. Genre pour moi, si t'as jamais lu le comics et que tu veux commencer chez DC, tu commences par Batman. Et du coup d'autre. T'as un beau marque-page. Non, ça je l'ai piqué à Planète Interdite parce que j'ai perdu les miens. D'accord. Sur Star Wars. Voilà. Et puis parce que quand tu lis Superman Doom, si t'as pas de marque-page, tu te perds. Ouais, il y a plusieurs dessinateurs, mais même il y a plusieurs dessinateurs et tout du long, ça reste. Ok. Ça reste assez moyen. Tu parles pas dans ton micro, donc personne va t'entendre. C'est pas grave. Ça reste assez moyen. Est-ce que tout le monde approuve cette review? Ouais, ça allait. C'était pas mal. Ouais, franchement, c'était pas. En plus, on l'a bien coupé. Et il a réussi à gérer. Tu peux lui mettre une. Vous avez vu à quel point je vous ai ignoré quand vous me coupiez quand même. Un petit arc-en-ciel même, si tu veux. tu te mets une croix à toi, s'il te plaît. C'est pas grave, moi il a déjà 150 fleurs. Putain, mais. C'est avec moi qui fais ce genre de truc d'habitude, t'es vraiment un fils. Moi j'ai pas aimé parce qu'il m'a spoilé la fin du tome. Pour la peine, c'est Gilles qui va faire ça. Dit-il en me prenant le tome et en regardant l'histoire. Allez, vas-y, Gilles. Alors moi je vais vous parler de Wreck-It Wrestland. Qui est chez DC. Super accent anglais. Ouais, qui est chez DC. Ouais, non, mais c'est ça. Bravo, Maxime. Franchement, Maxime, tu lui mets une fleur pour son accent anglais. Il y a une super couve de. Il me semble que c'est Jim Lee qui a fait une super couve de ça et c'est trop beau. Laquelle, du coup? La couve de Jim Lee. Parce que moi, comme je l'ai dit à la vidéo, je regarde jamais qui fait les. Ah oui, c'est vrai. Bah, ouais. Jim Lee. Parce que... On vous enverra un MMS et un email au moment où on parlera de la couve. Et vous aurez reçu une commission par la poste de Jim Lee. Mais ça doit être. C'est bon, ça, les trucs de la poste, je gère. D'accord. Et les commissions aussi? Non. C'est dommage. C'est pour moi, c'est cadeau. Alors, le scénario, c'est de Ken Pontac. Qui a fait quoi avant? Laisse-moi finir. Bah, vas-y. Ok. Tu lui mets une petite croix, s'il te plaît. Je te mets un cœur. Les illustrations sont de Leonardo Marco et la couleur de Mariana Sanzon, qui ont fait un superbe travail. Donc c'est dans le ce titre, c'est dans le cadre de la lignée de la collection Anna Barbera. Je sais pas si vous voyez, c'est, ils ont aussi relancé Scooby-Doo et Future Quest. D'accord. C'est pas mal. J'hésitais d'abord en plus entre faire les Fous du volant. T'as lu Scooby-Doo? Non, pas tous, mais j'hésitais entre faire Scooby-Doo c'est et... C'est bien Scooby-Doo en comics. J'en doute. Non, franchement, moi j'ai commencé et c'était bon. C'est pour ton fils ou... Alors, t'as pas de fils. C'est le fils qu'il a avec Maxime. Mais moi, j'aime Scooby-Doo. Je peux vous chanter le générique. Est-ce que le matin, tu te lèves vers 8h pour aller regarder... Je regarde Scooby-Doo, oui. Quand je suis réveillé, qu'il y a ça à la télé, je regarde Scooby-Doo. Que si tu aussi... regardes le nouveau Scooby-Doo, t'es pas un vrai fan de Scooby-Doo. Par contre, Scooby-Doo en comics, enfin moi perso, ça me hype quoi. Non, franchement, c'est cool. C'est un peu plus dark et tout. Et... C'est comme les fous du volant, mais moi Scooby-Doo. Enfin, je vais vous en Est-ce parler. Est-ce que c'est le propriétaire de la fête foraine délabrée qui est toujours Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais des fois, il y a des vrais fantômes. Des fois, ça fait peur. Je suis avec mon oreiller comme ça, mon petit chocolat et. Il se blottit contre moi. J'aime être en sécurité dans ces bras musclés. C'est Marina et Ophélie qui doivent être contentes. Du coup, vous m'avez perturbé. Donc je pense. Il entend sa feuille. Maxime te fait perdre non, les moyens. C'est pas dans l'ordre en fait. Donc pour ceux qui, enfin, je pense que tout le monde connaît à peu près les fous du volant quand même. Ouais. Mais bon, non, vas-y, vas-y. Non, je connais pas. Ceux qui connaissent pas, donc c'est un dessin animé comme j'ai dit d'Anna Barbera des années 60. Et ça narre les courses de voitures un peu tarées les voitures, mais là, il y a un truc qui se passe avec les voitures qui m'a beaucoup choqué, c'est que les voitures parlent entre elles. Ah, d'accord. Donc ça change un peu, donc ça c'est un peu aucun rapport vraiment avec l'anime des années 60. Il n'y a même pas les personnages qui reviennent ? Si, heureusement qu'il y a quand même Diabolos et Satanas. Ah. Mais c'est le... Et comment elle s'appelait la blonde dans la voiture ? Parce que je l'aimais bien. Elle était blonde, donc forcément tu l'aimais bien. Pénélope, non ? Ouais, Pénélope. Elle était jeune et blonde, c'est ça ? Ouais, elle avait 15 ans et... Ouais, Pénélope. Elle avait pas 12 ans. Mais Ali est aussi Pénélope. Mais voilà, il y a que le nom des personnages et l'histoire de base. Et leur design, même pas ? Non, leur design, c'est complètement différent. C'est vraiment joli, mais complètement différent. D'accord. Donc, si vous avez aimé l'anime des années 60 et que vous voulez retrouver ça, faut pas le lire. C'est un peu ça ressemble dans l'univers un peu à la Mad Max. Vraiment ouais. Sale et poussiéreux. Mais les voitures parlent. Mais les voitures parlent. C'est un mélange entre Max, c'est Cars et Mad Max. Cars et Mad Max, le featuring. Mais franchement, ouais, ça m'a beaucoup perturbé que les voitures parlent. Tu vois à quel point je me sens vieux. Moi, j'ai dit K2000 et lui, il a dit Cars. Donc, du coup, en fait, dans le prochain Mad Max, après le mec qui fait de la guitare sur la bagnole avec les mecs sur les tambours, on aura les voitures qui parlent, c'est ça ? Voilà. C'est ok, ça, bah, ça peut être cool. Hein. Et un chien qui parle, du coup, puisque. Mais non, il parle pas, Satanas ou Diabolo qui parle ? C'est Satan. Non, c'est Diabolo. Mais il parle pas, il rigole. Ah oui, c'est qui rigole, ouais. Non, là, il parle pas. Mais là, c'est vraiment un chien, un gros pitbull avec les dents et tout. Ok, donc le chien ne parle plus, mais les voitures. Ouais. Les voitures, si. Mais du coup, le fait qu'il y ait toutes ces voitures qui parlent, déjà, il y a. Enfin, c'est assez. Mais t'arrêtes de lui piquer. Non, mais je lui pique pas le micro, je lui mets devant la bouche. Le chien, quand il met des choses devant la bouche. Ça devient gênant, Libita. On va vous laisser tous les deux. T'as quelque chose à faire, tu peux appeler ta maman. Je viens avec toi appeler ta maman, d'accord. Fais venir ta maman si tu veux. Elle va rentrer tard ce soir, ta maman. Bon, bah... du coup... Je crois que Thomas n'apprécie pas trop les blagues sur sa mère. Je crois, je vais pas faire ma review et... bon, de voilà, toute façon, BBS, c'est de la merde, salut. Du coup, ce que je disais, ouais, du coup, ça me perturbe. Ils disputent déjà comme un vrai couple. Hein. Du coup, donc, pour l'instant, il y en a qu'un qui est sorti, et je précise, c'est en VO et la VF n'est pas encore sortie. Est-ce qu'elle va sortir ? Est-ce que tu sais si elle va sortir ? Oui, ça va sortir. C'est début 2017. Chez qui ? Je sais pas. Je ne sais pas. Tu vois, ça aurait été à Planète. On t'aurait dit un truc comme ça. Tu l'aurais traché. Sans, on va le couper aussi. Non, on va le couper. Et du coup, c'est un peu le premier. C'est vu qu'il faut présenter tous les personnages et tout, c'est un peu le bordel parce que. Personnage. Ouais. Alors là, tu lui mets. Là, tu mets une grosse croix sur toute la feuille. Viré. On va faire une pause, moi j'ai soif. Ouais, on va... Déjà, tu lui dois 5 euros. Bon, on est reparti, on a fait une petite pause. C'était dans. On a fait une pause en plein milieu de ta review, le truc le plus agréable du monde en fait. Excuse-nous, franchement, on te mérite pas. Toi, Maxime, je te pardonne. Et moi ? Toi aussi, James. Merci. Je pose pas la question parce qu'il a insulté ma mère. Non, je l'ai pas insulté ta mère. Je l'ai pas insulté. Et moi, je pose pas la question parce que j'ai jeté la bière par terre qui a provoqué la pause. Donc voilà. Et en plus, comme c'était la bière de Maxime. Du coup, les fous du volant. Ouais, hein, les fous du volant. Wacky Wrestland. Wacky Wrestland. Ouais, voilà. Du coup, donc c'est des fous du volant, comme son nom l'indique. Ouais. Tu peux mettre un petit sourire joyeux pour. Du coup, on leur propose de participer à une course. C'est vachement étonnant pour quelque chose qui s'appelle Wacky Wrestland. Bah, je spoil un peu peut-être. Hein. Ouais, vas-y. Et du coup, donc c'est plusieurs courses qui s'enchaînent. Et le vainqueur de ces courses, on lui promet une place à Utopia. Donc c'est très choisi comme nom. C'est une autre course. Ouais. Donc non, c'est une terre légendaire qui est épargnée par tous les maux qui sont. Ah, mais c'est vraiment post-apocalyptique. Il y a des sortes de mutants, il y a une épidémie, il y a des tsunamis, enfin voilà, c'est vraiment. Et du coup, on leur promet une place à Utopia. Et en fait, dans le comics Scooby-Doo, il a violé je sais pas qui. Tu peux mettre une croix pour cette vanne qui était vraiment pas géniale. J'allais dire celui qui gagne Wacky Wrestland, il a rendez-vous avec un autre Tom. Oh putain, le requin. Attends, c'est moi Tom. Non, mais ça me dérange pas, c'est la mère de Tom. C'est moi Tom, hein. Pardon. Ah. Ok. Tu le repayes après, mais vas-y. Du coup, c'est un peu bordélique. C'est le premier, donc il y a beaucoup d'allers-retours en fait entre la course en elle-même, la vie des personnages avant la course et l'après-course. D'accord. C'est ça, c'est vraiment un peu bordélique. Du coup, ça casse un peu le rythme, mais sinon c'était pas mal. Hein. Le scénario est simple, hein, une course de voiture, voilà, avec des mitraillettes sur les voitures, des monstres qui attaquent les voitures, mais c'était cool. C'était cool. Mais le gros point noir, comme j'ai dit, c'est les voitures qui parlent, quoi. Les voitures qui parlent, c'est ok. J'espère qu'ils vont changer. Genre, ça c'est des voitures qui ont une conscience ou genre c'est des sortes de Terminator ou. Non, non, elles ont une conscience. C'est des voitures qui ont une conscience. Elles se parlent entre elles avec leur pilote. Ok. Voilà. Genre en mode. Ok. En gros, ils ont voulu faire un mix entre K2000 et Cars. Non, mais parce que je voulais pas dire Cars à la base, je sais pas pourquoi. Ils ont voulu faire un mix entre K2000 et Wacky Wrestland. Je suis barré, moi. Arrête d'essayer. Parce que ça apporte rien. Déjà, il y a tous les pilotes de course. Donc ça fait. Alors, dans K2000, ça apportait quelque chose quand même. Hein. Ben oui. Ouais. Mais là, non. Parce que, comme je dis, il y a déjà tous les pilotes de course qui sont une douzaine. Plus leur voiture qui part, ça fait trop de périodes. Quand tu vois toutes les bulles à l'écran. Sur la page. Tu comprends parce que tu l'as lu en scan, c'est ça. Ceci était un lapsus. Le révélateur. Mais oui. En fait, le mec qui a écrit ça, et quand il a commencé à écrire, il s'est dit merde, je vais écrire Mad Max. Ah non, ça a déjà été fait. Bon, bah, je vais écrire un K2000. Ouais. Et ah bah putain, c'est déjà fait aussi. Bon, bah, je vais prendre. Je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Maxime, tu mets combien de Stéphane Hamel sur 20 à cette review? Je te mettrai 2 Stéphane Hamel sur 20. C'est pas beaucoup. Non, parce que Stéphane Hamel, bon, c'est déjà à l'infini, tu vois. Ah, oui. Ah, ça me plaît. Mais surtout qu'en plus, j'ai su rebondir après la coupure. Et... Ouais, je trouvais ça impressionnant. Comme hors podcast, tu as râlé. C'est toi qui fais la review de Rocket Raccoon, c'est ça? De Scotty Young? De Rocket Raccoon, de Scotty Young et de Jake Parker. Alors, je sors mes notes. Voilà. Alors, c'est un titre. Marvel Now qui est sorti. On a failli passer en mode deuxième pause. Et sur son iPhone surtout. Heureusement que petit gilet là vont me soutenir moralement. Dit-il en me touchant la cuisse. tu peux reprendre du début, je pense. Allez, donc je vais vous parler de Rocket Raccoon, qui est un titre Marvel Now sorti au mois de juin 2016, écrit et scénarisé par l'illustre Scotty Young. Si dans mon échelle que je vous avais mis en lien, il était au plus loin du côté cartoony. C'est le Libermero du cartoony. Voilà, c'est le Libermero du cartoon. Je disais, si Libermero était mon pire ennemi, Scotty Young, c'est ton meilleur ami. Scotty Young serait mon acolyte. Ensemble, on lutterait contre le... Je croyais que c'était moi ton Robin, je suis déçu. Mais écoute, Scotty Young, ce serait ma bad girl. Putain, le pauvre. Je peux être ton Alfred. Tu peux être qui tu veux. Je préférais que tu sois mon Stéphane Hamel. Donc je disais, c'est un titre sorti au mois de juin 2016, c'est Panini, écrit et scénarisé par Scotty Young, avec Jake Parker qui dessine deux numéros. Donc je voulais juste qu'il me passe discrètement le comics. D'accord, qu'il te passe discrètement. Sans te couper, mais ça n'a du pas Du coup, été fait. Le tome contient 6 numéros. Donc en fait, du coup, il s'est divisé. Il y a une mini-série de 4 épisodes en fait qui se suivent. Et après, il y a 2 épisodes comme ça. Enfin, un peu hors continuité. C'est juste des histoires. Des couleurs aussi, c'est Scotty Young. Je sais pas du tout. Je vais regarder ça de suite. Non, il a un nom français, c'est Beaugrand ou quelque chose comme ça. Parce qu'en tout cas, les couleurs elles vont bien avec le dessin. Ouais, c'est Beaulieu, Jean-François. C'est, Beaulieu. Alors, les couleurs, c'est Jean-François Beaulieu. Je n'ai pas assez ouvert, tu vois. Moi, j'aime Scotty Young et j'aime autant, pour autant Liber Mero. Mais oui, non, mais Maxime n'est pas quelqu'un de. Non, je ne suis pas quelqu'un d'ouvert, sauf avec Tom Tom. Le pauvre, il a rien demandé. Et... Allez, vas-y. Donc du coup, je disais, c'est une série... Donc du coup, sur des 6 numéros, il y a une mini-série de 4, en fait, où on suit le passé de Rocket Raccoon, et en fait, on découvre qu'il y a un autre raton laveur de l'espace qui est dans la galaxie, et en fait, du coup, ça va un peu être la némésis de Rocket Raccoon, il va se mettre à vouloir l'accuser, à vouloir le mettre en prison, à lui faire du mal. Et après, les deux autres numéros, il y a une histoire racontée par Groot, donc qui est pour moi le meilleur numéro du tome. En fait, du coup, en fait, ils sont Rocket et Groot sont dans une colonie de vacances, et en fait, le soir, autour d'un feu de camp, ils racontent une histoire, et en fait, Rocket est là, en fait, oh, vas-y, ça me fait chier de raconter une histoire, vas-y, Groot, tu racontes. Et du coup, tout l'épisode, c'est Groot qui raconte Groot. L'épisode. Donc, et c'est, moi, j'ai trouvé ça énorme. Et après, le dernier épisode, ça explore un peu plus le lore des Gardiens de la Galaxie, en fait, parce que du coup, c'est une histoire entre Rocket Raccoon et Cosmo, où en fait Cosmo il lui dit va sur une planète, va sauver ces gentils robots, ils sont sympas, ils m'aident bien, va les aider. Donc ça c'est pour ce qui est l'histoire. Après les dessins, Scotty Young est très cartoony, même un peu trop, et c'est un peu toonesque. Pour reprendre ce que disait Gilles, ça me fait penser un peu aux comics de chez Warner avec... avec Bibi et Coyote, où tu prends une dynamite sur la tête, mais en fait, t'es toujours vivant. Et en fait, là-dedans, il n'y a pas de mort, parce que du coup, Rocket Raccoon, il prend 10 missiles dans la tête, des trucs nucléaires, et il est toujours en vie. En tout cas, c'est super beau. Ouais, même les trucs avec Jack Parker, c'est vraiment beau. À la fin, il y a des couvertures variantes qui peuvent faire vraiment rigoler, vu à quel point c'est moche. Il y en a une qui est moche, mais il y en a... Oui, après du coup, il y a d'autres... Ça aurait piqué, les génial. Après, il y a d'autres couvertures variantes dans le... Dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le tome, en fait, entre... Qui coupe les numéros entre eux. C'est celle de Jeff Smith, mais qui ne trouve pas génial. Celle-là, là. Bon, ça va, c'est... Non, c'est moche. Je ne sais plus où j'en étais. T'en étais à Jeff Smith. Non, t'en étais à Rocket Raccoon. Merci, Diabs, pour cette aide précieuse. Je crois que tu faisais une review avec Scotty Young dedans. Ouais. Oui, voilà, je disais que du coup, en fait, c'est un peu un titre où il n'y a pas d'enjeu, en fait. Si vous voulez. C'est que du fun. C'est 196 pages de fun où. Tu dis que c'était très cartoon dans voilà, le cartoon. Voilà, c'est très cartoon. Du coup, tu vois, là par exemple, tu vois Rocket Raccoon, parce que du coup, Gilles, l'illustre Gilles, nous montre une page où Rocket Raccoon et sa némésis se battent. Et en fait, il y a zéro enjeu, il y a zéro tension dramatique. En fait, il n'y a pas un moment où tu as peur pour Rocket Raccoon, ni pour Groot, ni pour. C'est un bon comics pour les enfants. Ouais, c'est un bon comics pour les enfants, et en fait, je dirais même plus, c'est un bon comics d'été. Je sais pas, moi je sais que j'ai fait une pause, en fait, là je lis. Que tu l'as lu sur la plage. Si vous êtes bon, pélire. Hein. Je le lis sur la plage, enfin, je l'ai lu sur la plage, et en fait, je le lis comme ça. Parce que tu l'as sur tes toilettes. Non, parce que je joue à Clash Royale sur mes toilettes. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, c'est un comics pour moi qui a un peu un vent de fraîcheur. Du coup, si vous avez envie de vous aérer l'esprit, des crossovers, des trucs super sérieux, du multiverse, du machin, lisez ça. Franchement, ça se lit d'une traite. Moi, je sais que je l'ai lu en une matinée, en une heure et demie, c'est plié. Et c'est un vrai régal. Et ça n'a pas d'enjeu, mais en fait, on est captivé par par la chose. Et en fait, on a envie d'en savoir plus, on a envie de voir des dessins, on a envie de voir dans quelle situation Rocket se fout et comment il va s'en sortir. Et moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, on explore, comme je l'ai dit, le lore de... des Gardiens de la Galaxie. Il y a Star-Lord qui fait une apparition, Gamora, enfin... Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, ce que je dis, il n'y a pas d'enjeu. C'est pas feuilletonnant. Ça me fait penser... Tous les numéros se prennent un peu... Enfin, les deux derniers numéros se prennent un peu à part. Et la suite, parce que je l'ai lu en kiosque chez Panini. C'est pareil, c'est que des épisodes comme ça où... Rocket Raccoon, les séries sont souvent très comme ça, très dans le délire. Et, le... et ouais, mais du coup, tu vois, c'est un limite, un... C'est un peu le reproche que j'ai à faire aux comics. En broché chez Panini à 7€, ça aurait été trop bien. Il y a une autre série qui sont sortis comme ça avec Groot où il cherche Rocket Raccoon dans l'espace pendant. Ah oui, oui, tu gères pas en hardcover. Ouais, parce que vraiment, du coup, là, par exemple, ils disent Rocket Raccoon tome 1, mais le tome 2, ça va être un recueil des meilleures histoires de Rocket Raccoon. Et c'est peut-être le point négatif que j'ai à faire à ce titre. Et je pense qu'il faudrait. En fait, c'est un truc que tu lis entre deux gros trucs. Ouais, c'est un... moi honnêtement, j'ai. Je l'ai pris comme ça. Enfin, là, je suis dans la période estivale, je lis que des trucs un peu frais avant de me replonger à la rentrée avec tous les crossovers qui vont arriver. Maxime me fait peur quand même. Il aime les ados et il lit des trucs pour enfants. Non, donc en fait, il lit ça pour pouvoir attirer les tiens. Ouais, en fait, tu vois, du coup, ils viennent. D'autant plus. Et regarde, je lis Rocket Raccoon, tu veux lire avec moi? Et en fait, et toi, des fois. Il aime bien le cartoon. Ce qui marche bien, c'est le Tintin Tango, tu vois. Parce que du coup, ils regardent le truc sur France 4. Moi, je leur sens mon Tintin Tango, ils viennent. Bim. C'est plié direct. Comme alors, si vous voyez le premier podcast si sur vous... la pédophilie et le comics. Si vous êtes sur Palava, si vous voyez quelqu'un lire des comics, vous pouvez le taper. Moi, je suis sur 7. Respecte Lionel Brier, s'il te plaît. 7 et Carnon. Ce qui est plus simple, il y a moins de gens sur 7. Hein, vous le trouverez plus facilement. Il y a du monde quand même sur 7. À la Saint-Louis, tu vois. Toi, ouais. Ton chien et ta femme. Et Lionel Brier. Et Lionel Brier. Et François Comen. Et Super Menteur. Bon. Tout, je vais devoir couper. Franchement, ce moment était drôle. Mais... Je sais plus où. T'as fini ta review? Ouais. Et Gilles, tu mets combien de Rocket Raccoon sur 20 à cette. 21. Oh. Attends, c'est mignon. Du coup, on est, bah, on va finir en beauté. Ok, c'est comme ça, t'auras un peu plus de temps. Et je vais faire ma review. Et tu finiras les reviews. Alors... De toute façon, ça n'a rien changé là. Je crois, je crois que j'ai improvisé sur le moment. Où il en est, tu crois que je vais faire quoi? Regarde. Alors, on passe à ma review. Alors, moi, je voulais vous parler d'un titre. En fait, pour être honnête avec vous, enfin, pour raconter la petite anecdote, c'est que le week-end dernier, j'ai bossé. Il raconte une anecdote pour compléter sa review. Ouais, voilà, exactement. Le week-end dernier, j'ai bossé. Et comme je m'ennuie un peu pendant que je bosse, j'écoute le podcast de Comics. C'est magnifique. Et. Mais pourquoi? Pourquoi tu parles dans ton micro pour lui redire des trucs à lui qui est à côté? Pour que les gens sachent que Maxime fait des choses hors du commun. Avec son stylo stylé. J'ai écouté le podcast de Comics Blog. Donc oui, comme le week-end dernier je bossais et que je m'ennuie un peu, j'ai écouté le podcast de Comics Blog. Et pour une fois, Alfro m'a un peu hypé sur un truc. Et il m'a un peu hypé sur le reboot de Archie. Donc je sais pas si vous connaissez Archie non. Comics. Présente-nous Archie Comics. C'est un autre éditeur qui avant était un peu... C'est un mec qui est roux. Ouais, avec des petites taches de rousseur et qui fait des conneries. Je veux pas dire, mais James, la dernière fois, il nous parlait de Doug. Et là, il nous parle d'Archie. Il a peut-être un petit problème avec les jeunes hommes. L'autre, il en a marre qu'on se fout de sa gueule, donc il essaie de... Tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas. Donc j'étais en train de dire. Donc ils m'ont un peu hypé sur le reboot de Archie. Archie, qui était un vieux éditeur de comics qui fait des trucs un peu, normalement, en mode conservateur et tout. C'est censé être drôle et tout, mais c'est avec des valeurs très, très conservatrices. Et ils essayent de s'ouvrir un peu. Et il est en train d'aller vérifier si je dis pas de la merde sur. Et donc ils ont fait un reboot et du coup ils m'ont un peu hypé en disant que c'était pas mal et tout, qu'il y avait trois séries. En plus, il y a une super série avec Adam Hughes, et j'adore Adam Hughes, je trouve que c'est un dessinateur vraiment qui dessine très très bien, qui fait Betty et Véronica. Et ça a l'air super bien. Et je suis allé chercher sur internet si je pouvais trouver ces. Du coup, tu avoues que tu l'as lu en scan. Non, non, sur Comixology. Non, mais j'ai pas trouvé ça, malheureusement. Mais j'ai trouvé le reboot de 2015. C'était par Mark Waid et Fiona Staples et Annie Yu. Et c'était vachement bien. J'ai lu les 4 premiers numéros. Et bon, c'est pas sorti en français, mais je vous conseille d'aller lire ça en VO. C'est vraiment très très frais. Ça change complètement du super-héroïque, où là, c'est vraiment du slice of life. Bon, pour les gens qui ne connaîtraient pas Archie, en fait, c'est un lycéen d'un... Tu peux décrire le slice of life, s'il te plaît? Alors, c'est tranche de vie. Donc, tu vois la vie de tous les jours de quelqu'un. Donc, c'est des petites tranches de vie. Voilà. Est-ce que... On va je parle en notre nom à tous les deux, Gilles, mais on va sortir un comics, Slice of Life, de notre vie à tous les deux. Je suis entièrement d'accord. Dessiné par Liber Mero. Non, c'est moi qui ferai le dessin, du coup. D'accord. Donc, Archie, c'est un lycéen qui vit sa petite vie de lycéen, qui est dans un groupe, qui est un peu attachant et qui est très, très maladroit et qui vit sa vie avec sa copine qui s'appelle, je sais plus si c'est Betty ou Véronica, donc avec une blonde. Il y a une blonde et une brune, et en fait il vient de casser avec la blonde, et il y a la brune qui arrive dans la ville. Et en fait, vous allez voir, pendant ces 4 numéros, on voit un peu de cette vie de lycéen, je trouve ça super frais et super... on a l'impression de lire du un peu... la référence est un peu pourrie, mais du Les Frères Scott, tu vois, mais en bien, en marrant et en fun. C'est fou comment t'arrives à dire que ça t'a hypé et à déshypé tout le monde juste après, quoi. C'est hallucinant. Je pense que c'est un Allez le lire, c'est Les Frères Scott. Je pense que c'est un comics parfait pour Max, parce que c'est très... Tu aimes Les Frères Scott, Maxime? Parce que la petite brune, elle est jeune, donc ça passe. Vampire Diaries. Mais c'est vachement bien, Vampire Diaries. Et est-ce que ça ressemble un peu à Teen Wolf? Non, quand même. Bon, alors non. Teen Wolf, donc je pourrais pas moi non plus. Eh ben, alors, encore une fois, un truc que je déteste et que je vais proscrire dans ce podcast. Tu prends une croix parce que t'as mal parlé d'un truc que tu connais pas. Ouais, voilà. Alors, quand faut savoir que je connais parce que je n'ai pas regardé, mais ma copine a regardé sur mon ordi pendant que j'étais derrière elle, donc je faisais autre chose, mais j'écoutais. C'est insupportable. Tu faisais quoi derrière elle, s'il te plaît? J'étais en train de monter un Lego. Voilà. Donc, c'est vrai en plus. Et c'est insupportable à regarder. Donc c'est de Mark Waid et de Fiona Staples. Fiona Staples, vous connaissez sûrement parce qu'elle a dessiné Saga, une très bonne série chez Image. Toi qui ne connais pas Image, tu peux lire Saga, c'est vachement bien. Non, je reste sur Hunt. D'accord. Et Annie Wu, qui n'était pas sur Black Canary, exactement. Donc c'est sympa, c'est vraiment très beau. Est-ce que c'est aussi beau que le dessin de Maxime, qui est vraiment magnifique? Si on peut arrêter les private jokes, s'il vous plaît. Espèce de faux Totoro tout pourri. Tu prends un cœur pour avoir dit ça. Et Mark Waid, qui est un auteur qui est très très prolifique, qui a bossé pour pas mal d'éditeurs et qui est notamment connu pour Kingdom Come, qu'il a écrit et qui a été dessiné par Alex Ross, pour lequel il a remporté un Eisner Award. Donc moi, je vous conseille vraiment Archie, c'est vraiment très sympathique. Donc encore une fois, je vous le répète, c'est les tranches de vie de lycéens. Donc on retrouve un peu les clichés qu'on retrouve dans les films pour lycéens. Et si tu fais une référence à Breakfast Club, tu auras raison de faire une référence à Breakfast Club, mais c'est vrai que ça a un peu ressemblance, c'est un peu dans le... J'allais te dire, tu donnes combien de Breakfast Club sur 20? Breakfast Club, je lui donnerais 16 Breakfast Club sur 20. C'est honnête. Mais moi, je pense que... Parce que je sais que t'aimes bien les trucs un peu de romance et tout, ce genre de trucs comme ça. Je pense vraiment que tu devrais le lire, ça devrait beaucoup te plaire. On le lira ensemble. Mais ouais, mais comme le Rocket Raccoon, c'est un truc qui est frais entre deux trucs de Batman et deux trucs de héros testonérisés et très viril et très dans ce délire-là. Je pense que ça rafraîchit, il y a un truc un peu plus classique et un peu plus... qui parle d'autre chose. Et je trouve que ça fait du bien parfois. Donc voilà, si vous voulez vous hyper sur l'univers d'Archie Comics, vous pouvez aller faire un tour sur Internet. Vous le retrouvez. Moi, je vais vous présenter Star Wars Canon tome 2, écrit par Greg Wiseman et dessiné par Pepe Larraz. Alors, Greg Wiseman, je ne sais pas si tu savais, James, mais il a travaillé... Est-ce qu'avant le début de ce podcast, tu savais qui avait écrit ce... J'avais oublié juste son nom, ok. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as su? Grâce au gentil monsieur serveur de la Game Taverne. Non, c'était grâce à monsieur Google, Marina. À monsieur Google. Voilà. À notre assistante réalisatrice, Marina. qui, qui n'est plus faillé du coup. Alors, du coup. Ah oui, donc Greg Weisman, qui c'est? Parce que là, tu m'as coupé. Ben, c'était un des producteurs sur, c'est un des producteurs sur Star Wars Rebels. Et il a déjà fait quelques comics chez Marvel. Et du coup, son écriture sur Star Wars Rebels va un peu influencer sur le comics. Parce que déjà, ça parle de Kanan, le contrebandier, le contrebandier Jedi dans Star Wars Rebels. Et aussi, on retrouve un peu cette patte la Star Wars Rebels, c'est-à-dire assez dynamique et... Est-ce que tu peux redire Star Wars Rebels, s'il te plaît? Star Wars Rebels. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter vite fait le personnage? Parce que moi, je connais pas du tout. Alors... Tu veux nous faire une review sur Star Wars Rebels, c'est ça? Non, alors, on n'a pas vraiment besoin de savoir grand-chose sur Star Wars Rebels, enfin même rien du tout pour lire ce comics. C'est une préquelle en plus, non? Oui, c'est une préquelle. Est-ce qu'il faut lire le tome 1 d'abord? Je vais en parler après, vous me saoulez. Et du coup, je disais... oui, donc Kanan, c'est, dans Star Wars Rebels, c'est un Jedi qui a survécu à l'Ordre 66. Bon, l'Ordre 66, c'est l'ordre qui a tué tous les Jedi. Et du coup, on apprend comment ce personnage a survécu à l'Ordre 66 dans ce comics. Et en gros, dans Star Wars Rebels, c'est celui qui va entraîner le jeune héros à devenir un Jedi. Donc du coup... Le speech, c'est du coup l'apprentissage de Kanan pour devenir un Jedi. Alors que dans le tome 1, on se situe après le tome 2, c'est-à-dire comment il survit à l'Ordre 66. Sur le tome 1, sur le tome 2, on se situe plus pendant son entraînement avec sa maître Jedi. Est-ce qu'on est d'accord que tous les Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66, c'était quand même de manière misérable? C'est-à-dire que y a les trois quarts se sont cachés. Est-ce que tu vas spoiler des trucs? Non, je vais rien spoiler. mais les trois quarts se sont cachés. On jeté leur sabre laser, on abandonné la force. T'as qu'ils fassent quoi? Qu'ils se battent contre l'Empire tout seul? écoute, ce sont des Jedi, donc non mais je prends l'exemple. Je suis plus sûr du comics, donc je vais pas donner de nom comme ça. Je suis sûr de pas me gourer. Mais t'as deux Jedi comme ça, un maître et son apprenti qui au moment de l'Ordre 66 étaient dans un vaisseau. Rempli de gens normaux, donc pas de Stormtroopers, donc ils ont survécu. Une fois arrivés sur la planète, ils apprennent ce qui se passe et leur premier truc, c'est ils vont se planquer dans le port. Normal. Et ils survivent misérablement. Enfin, pour moi, l'Ordre 66, c'est pas le moment le plus hypant de Star Wars, quoi. Bah, moi, je trouve que c'est le moment le plus hypant. Tu veux parler des Jedi, ces mecs interventionnistes qui sont un peu des CRS de la galaxie et qui, tu vois, dans la prélogie, ils vont juste sur des planètes faire la loi en mode ah non, tes taxes marchandes, ça marche pas, tu vois. Et tu parles de ces Jedi qui sont censés être l'honneur et la virilité et le truc dans quoi qui nous inspire dans Star Wars. Ils ont des sabres laser. Est-ce qu'on est en train de partir sur un truc complètement différent? On est en train de partir sur un débat sur l'Ordre 66. Il était en train de faire une review. Exactement. On te donne du temps pour écrire ta review. Remercie-nous. Bon alors. Vas-y, continue sur Kanan. Du coup, on n'a pas forcément besoin de lire le tome 1, mais je vous conseille quand même le tome 1. Ce serait débile d'avoir le tome 2 dans sa bibliothèque. Et pas le tome 1. Ouais, si on le lit en scan, on s'en fiche. Bon, je sais pas ce qu'il a, petit Gilles, contre moi aujourd'hui, mais du coup, au dessin, on a Pepe Larraz. Donc, Pepe Larraz, il a travaillé chez Marvel. Je pourrais pas vous dire exactement ce qu'il a fait. Uncanny Avengers. Uncanny Avengers, merci Maxime. Et c'est un dessinateur que je pense que Maxime apprécie beaucoup parce qu'il est très bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire c'est un peu cartoony et c'est très dynamique. Voilà, maintenant je suis pas préparé, donc ça va être parti. C'est mieux, enfin, il est mieux de savoir ce qui s'est passé, je veux dire. Pour toi, tu l'as lu aussi le tome 1 du coup? Oui, j'ai lu le tome 1. Tu as préféré de savoir ce qui s'est passé après l'Ordre 65 ou de savoir son apprentissage? 65. Je trouve que les deux sont. Enfin, ça se lit dans n'importe quel ordre. C'est un peu comme la prélogie, la trilogie, c'est pas très important. Et ils vont faire un tome 3, tu sais ou pas? Non, c'est le dernier tome de Kanan. Ok. Du coup, les points positifs, c'est les personnages qui sont approfondis parce que pour ceux qui aiment. Kanan dans Star Wars Rebels, vous allez apprendre à mieux le connaître. Et si vous avez lu aussi le tome 1, vous allez mieux apprendre à connaître sa maître Jedi. Et tous les personnages sont très bien approfondis, c'est très bien écrit. On dit pas maîtresse? Ouais, on dit maîtresse Jedi. Tu peux m'appeler comme tu veux. Est-ce que... Attends, t'imagines si Kanan tu dirait. Juste pour faire chier. tu vas déjà qui galère. Non, mais t'imagines si Kanan disait merci maîtresse, ça serait plutôt ça serait plutôt une relation spéciale. Enchaîne. Tu dis pas ça quand t'es à l'école, toi. C'était tellement gratuit. Vas-y, enchaîne. Bon, alors après un gros point positif, c'est les dessins qui vont très bien avec l'histoire parce que c'est une histoire très dynamique et les dessins sont aussi très dynamiques. Et dynamique. Et du coup, on a les personnages qui sortent des cases, tout ça, c'est vraiment bien stylisé. Et on a un récit qui nous prend du début à la fin et qui ne s'arrête jamais. C'est rempli de cliffhanger comme vu que c'est chapitre par chapitre. Enfin voilà, je vais pas expliquer la différence entre VO et VF, mais à chaque fin de chapitre, on a envie de tourner la page et on ne s'arrête jamais. Et ça se lit d'une traite. Après, petit point négatif. Bon, vu que j'ai pas très bien préparé cette review, je sais juste qu'à la fin, il y a un dessinateur qui essaie de copier le style de Pepe Larraz et que c'est vraiment pas très joli à voir. Et du coup, ça, c'était le petit point faible, parce que ça casse complètement le rythme vers la fin. Ok, un tie-in un peu. Et il y a une vraie fin ou... Enfin, à la fin du tome 2. Je m'en rappelle plus. Non, je regarde. En fait, c'est une histoire, j'avais oublié de préciser, ça se passe pendant Star Wars Rebels, c'est en gros, c'est sous forme de flashback, mais on est plus souvent dans le flashback que dans l'histoire de Rebels. Okay, voilà. Donc okay. C'est sur Rebels. Est-ce que tu conseilles Est-ce que c'est un des titres que tu conseilles pour les gens qui veulent découvrir Star Wars? Ouais, je moi ça me donne beaucoup envie. En je conseille carrément ça pour ceux qui veulent débuter. C'est vraiment génial. Il suffit d'avoir vu l'épisode 3 de Star Wars ou enfin être un minimum fan de Star Wars pour le dire et c'est vraiment excellent quoi. Les relations sont bien écrites. Enfin le récit, on s'ennuie jamais. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont très attachants en tout cas. Okay. Donc ouais, je conseille cool. Pour n'importe quel fan de Star Wars et pour même ceux qui sont fans de Star Wars et qui veulent se lancer dans le comics, bah acheter Star Wars Canon. Puis en plus c'est à petit prix, il me semble. Je crois que c'est 13€ le premier. Mais ouais, je crois. Un truc du genre. Et 14,95€ le deuxième. Est-ce que tu aurais mieux travailler la review de Thomas qu'il aurait travaillé. Non, parce qu'en fait ça m'a hypé. Enfin, pour la petite histoire, ça m'a hypé, mais en fait les couvertures sont horribles. C'est les couvertures de Mark Brooks. Ouais, ben les couvertures. J'aime bien Mark Brooks qui fait d'habitude. Alors, Gilles a demandé s'il l'avait sur lui, mais non, il ne l'a pas. Donc, j'aime bien les couvertures, ce que fait Mark Brooks d'habitude, mais là, ouais, sur Canan, c'est horrible. Il a le visage déformé. Enfin, du moins, la couverture qu'on choisit Panini était vraiment pas la meilleure. Parce qu'il y en a une vachement sympa avec les Shock Troopers, c'est-à-dire les Clone Troopers avec les lignes rouges. Et elle est excellente, genre il y a toute une mise en scène avec le rouge, tout ça. Mais sinon, les autres, franchement, elles sont pas trop ouf. Mark Brooks a pas fait du... Et tu, dans le tome 1, tu vois des têtes connues de l'univers juste après l'heure 66 Non. Dans le tome 2, c'est mis sur la couverture, il y a Général Grievous. Il y a Grievous, mais à part ça, c'est vraiment des personnages qu'on connaît pas, mais on apprend très vite à les connaître. Même les clones sont très... Enfin, on a deux clones... qui sont très attachants et qui rend la chose d'autant plus tragique. J'en dis pas plus, mais voilà. Si vous avez lu le tome 1 et que vous lisez le tome 2, ça va rendre la chose d'autant plus tragique parce qu'on apprend comment... Combien tu donnes de peau d'abronne De peau d'abronne. À Thomas pour sa review. Bravo, pour pas l'avoir préparé, tu t'en sors bien. Franchement, c'était mieux que moi-même. Franchement, sincèrement. On va passer au petit quiz de Gilles qui avait son quiz quand même. Alors, j'ai 6 questions pour commencer. Oui. Donc, il va y avoir une question de rapidité qui va permettre de savoir qui va commencer la deuxième question. Parce qu'il y a une question. Donc, vous allez voir. Donc, la première question qui est dite de rapidité, c'est pourquoi, quand Aquaman est encore bébé, il est abandonné en surface pour y mourir? Parce qu'il est à moitié humain. C'est quoi la question? Pourquoi, quand Aquaman est encore bébé, il est abandonné en surface pour y mourir? Parce qu'il va prendre le trône, parce que c'est le vrai héritier du trône. Parce qu'il est, parce qu'il a un design moche. Il a pas longtemps en plus en Justice League. C'est en rapport avec ses cheveux. Ah non, c'est parce pas qu'il est blond. Ouais, et pourquoi? Oui, bon, je vais te l'accorder. Parce qu'il est à moitié humain. Non, parce que blond, c'est signe de mauvaise augure chez les Atlantes, d'être blond. Mais il est à moitié humain. Oui, mais c'est pas pour ça, c'est à l'avant. D'accord. J'ai gagné quand même. Ouais, mais t'as gagné le droit de pouvoir répondre en premier à une prochaine question et ce sera celui qui se rapproche le plus près du résultat qu'on aura gagné. D'accord. Alors, sais-tu combien il y a eu d'armures en tout du premier Iron Man à Avengers 2? Dans les films? Ouais, le nombre d'armures. Putain, il l'a. Le nombre d'armures qu'on voit dans les films ou le nombre d'armures théoriques? Théorique. Il le dit, la Mac. Donc tu commences, après ce sera dans l'ordre, Thomas, et tu seras le dernier à répondre. Mais si t'es le plus proche, tu vas gagner. Ah, et je doute. Rien, bah, dis un chiffre. 26. Combien? 26. Ok. Thomas? Marc. Attends, en plus, je regarde des vidéos de figurines Hot Toys où ils ont toutes les marques, mais je vais carrément zapper. Je sais pas, c'est pas un truc genre 32 ou quoi. Marc 32. Moi, je dirais 46. Et toi? Je dirais 47. Nous avons une top réponse, mes amis. Tu penses que c'est quoi la réponse? Bah, c'est lui qui répond, non? Non, c'est 46. Ah, tu t'es fait niquer. T'avais l'air tellement sûr de toi. En fait, dans Iron Man 3... J'avais un doute entre 46 et 47, parce qu'à la fin d'Iron Man 3, c'est la 42 qui l'explose. Ouais. Ouais, mais en fait, quand il fait péter toutes les armures, tu vois, je crois qu'il y a une des armures, tu vois, c'est marque 46. Que tu, en fait, dans les armures que tu vois, quand il ouvre son machin, il y avait eu des artworks du film sur ce moment-là, en fait. J'ai l'artwork de... Voilà, et du coup, quand, sur l'artwork, tu vois marque 46, en fait. Ouais, et comme Iron Man, c'est le seul Avengers que j'aime bien. Parce que... Oui, totalement. Ouais, tu sais bien qu'un bon film est fait aux petits détails. Ouais, bah Iron Man 3 pour le coup. Non, ouais, mais c'est... Ok, d'accord, il n'y a pas assez de petits détails. Vas-y, continue. Deuxième question. Bravo à Ben. Alors, vous savez que je suis la caution cinéma, donc je n'ai pas pu m'empêcher de faire des questions cinéma. C'est la deuxième. Ah ouais, vas-y. Ça me rajoute des points ou pas? Ok. Alors, moi, j'ai eu un point ou pas? Un demi-point, allez. Attends, mais du coup, il participe pas, je suis con. Un demi-point, ok. Quel est l'acteur qui joue Atom? C'est celui qui... Ah, ouais, non, mais il a... T'avais le micro dans ta main. Brandon Routh. Donc celui qui a joué dans Superman Returns. Je le savais, putain, merde. Et même qu'il a une trop grosse bite qu'on a dû lui gommer de la... dans Superman Returns, on lui a gommé parce que ça choquait les rejus. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un demi-point parce que j'ai une belle anecdote, quand même? Non. T'as un point au total. Je t'autorise pas. C'est pas toi qui gères, donc tu mets un point. Non. Donc un demi-point pour demi-point. Maxime. Ouais. Un demi-point. Ouais. Je fais comment un demi-point? Bah tu mets 0,5, tu te démerdes, non? Eh, il est en grande section maternelle. Okay. Du coup, tu vas voir commencer. Alors, je veux savoir le top 3 en termes de box-office des films de super-héros. Oh putain, c'est quoi cette question? Bah, c'est facile. Le premier, c'est Avengers Age of Ultron. Non, le premier, c'est Avengers tout court. Le deuxième, c'est Age of Ultron. Troisième, c'est... Non, je dis n'importe quoi. Et il y a Spider-Man 3 dans le lot. Je crois que c'est Spider-Man 3. Avengers, Spider-Man 3, Age of Ultron. Moi, je veux dire Batman vs Superman, Batman vs Superman. c'est quoi exactement la question? Top up de top 3 des films de super-héros. Je crois qu'X-Men, ils n'ont pas fait de plus gros chiffres. Je pense que c'est Avengers 1, Avengers. Après, en top 1, top 2, je crois, c'est... Je crois qu'il y a Guardians of the Galaxy qui a beaucoup marché. Il a tant marché que ça, quand même. Non, il a fait 700, 800 millions. Ok, pas Guardians of the Galaxy. je vais faire comme Maxime. Du coup, Avengers 2 et après Spider-Man 3. Alors, non, du coup... il a pas dit dans le même ordre. Du coup, moi, je dirais Avengers 1 en premier. En fait, je crois qu'il y a Deadpool dans le lot, mais je suis pas sûr. Non, il a pas fait le minimum. Non, il a pas fait autant. Ah, pardon, faut pas que je jette les gens. Mais une croix pour ça, s'il te plaît. Mais pourquoi? Eh, c'est lui qui m'a aidé, j'ai rien demandé. Donc Avengers 1. Donc Avengers 1, je suis quasiment sûr. En fait, le problème, c'est qu'on pense pas à tous les films de super-héros qui sont sortis. Il y a X-Men, il y en a tellement de... Du coup... Star Wars, ça veut rentrer, c'est des... Ouais, un film super-héros, j'ai dit. Ouais, Avengers 1. Superman aussi, qu'on fait des grosses entrées. Ouais, mais des points pas au point de faire un milliard quand même. Avec l'inflation peut-être. En fait, genre, il me semble qu'Avengers 1 et 2, ils ont passé le milliard. Et je crois pas qu'il y ait un troisième film de super-héros qui a passé le milliard du coup. Si, il y a Dark Knight, il y a Spider-Man. Bah, dans ce cas-là, je vais dire Dark Knight en dernier. Dark Knight, ok. Donc en premier, nous avons bien sûr Avengers 1. Ouais, c'est pas Batman vs Superman. Non. Je pensais. Ça va jouer entre vous deux. Parce que vous avez dit les mêmes et pas dans le même ordre. Du coup, il y en a un de vous deux qui est... Il n'y a pas Spider-Man 3 qui est dans le top 3. Ah merde, voilà. Tu t'es fait niquer. Mais lui aussi. Mais lui, il a mis Avengers en deuxième et c'est vraiment Avengers en deuxième. Avengers 2. Alors que tu l'as mis entre... Et le troisième, c'est Iron Man 3. Sans deck ? Ouais. Que des films. Oh, la tristesse. Du coup, qui c'est quel point ? Bah, c'est lui. Bravo. Nous allons passer à la dernière. Je peux pas avoir un quart de point parce qu'il m'a copié. C'est Gilles. Quand tu feras ton podcast, quand on couche, je le garde en tête. Et s'il y a un litige au niveau des points, voilà. Le prochain, si t'as un 0,5 point, t'as un point. Question de rapidité. Micro au milieu. Pour pas... L'année de sortie du Batman de Tim Burton. 1989. C'est qui C'est un de vous deux. Moi, je dis 82. Ah, bah 89, ouais. Okay. Alors, okay. Vas-y, ta question. C'est à 0,5. Ouais, 0,5. Putain, je suis fort. Le nombre de personnages dans Civil War. Pas dans le film, hein, dans le comics. Dans le comics. Ouais. Le nombre de super. Mais c'est des questions qu'il faut se rapprocher. C'est pas, tu veux pas que tu... c'est celui qui va. Bon alors, je vais essayer de faire par rapport au film. Ça va peut-être m'aider. Non, je... 60. Moi j'ai 60. Ah moi j'ai plus que ça. Hein. Je dois donner un chiffre, c'est celui qui se rapproche le plus. Ouais. Dans Civil War, je sais pas, c'était sur la fiche, ils sont beaucoup quand même. Hein. Ils sont au moins une centaine. Hein. Je vais dire un truc du genre 130. 130. 63. 63. Parce que j'ai entendu ce chiffre quelque part. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu comptes les gens juste qu'on voit ou juste qui parlent ? Non, je compte les... C'est toi qui as trouvé sur Internet. T'as pris ton Civil War et t'as compté chaque personnage ? Non, non, non, non. J'ai pris une liste de tous les persos et non, non, c'est pas moi qui ai compté. Du coup, il peut pas te répondre aussi. Non, si j'ai pris les personnages qui s'affrontent, donc tous ceux qu'on voit, ouais. Donc 150 pour et moi. Ceux qui sont neutres aussi. 150. 200. Non. Oula, vous êtes loin. Le plus près, c'est... T'as combien, t'as dit ? 63. C'est toi le plus près. Merde, j'avais dit 60. Ouais. Je peux rechanger. 91. Ah ouais, j'étais loin quand même. Bah non, 130, non. 63. 130, 63. Tu me niques pas mes points, s'il te plaît ? Mais une croix, il a crié trop fort. Il y a 42 personnages qui sont contre la loi. 27 qui sont pour et 22 qui s'en foutent. S'en bat les couilles. Donc vas-y, dis-moi le... C'est terminé ? C'est terminé ? Non, non, parce que maintenant, il y a un nouveau truc. Ah, c'est pas fini, j'ai bossé. Hein. C'est qui le premier, là, au niveau des points ? Alors, je suis premier avec 2 points. Ok. Donc là, je vais vous faire deviner... J'ai repris ce que t'avais fait un peu. Vous faire deviner un personnage que j'ai choisi. Toi, c'était... Je sais plus ce que t'avais fait deviner. Je sais plus, Ouais, ouais. Bon, j'avais pris des personnages obscurs. Un personnage... Et en fait, je vais donner des indices pour à chaque fois. En fait, c'est pas bien de commencer en premier. Ouais, en fait, je me fais niquer, ouais. En fait, est-ce qu'on peut commencer par lui et on fait le tour ? Mais tu fais plus de points si tu... Donc si tu réponds tout juste, là, t'as 11 points. Parce que si je réponds du premier coup ? Ouais. Ok. En gros, si j'ai un gros coup de chance, quoi. Un personnage d'ici. Ah bah, c'est vrai que là, tout de suite, c'est presque pas vague. Bah... C'est ça ton indice ? Ah ouais, ah non, mais genre, mérité, non, mais... là je me fais niquer, hein, genre clairement. Est-ce que c'est écrit sur ta feuille? Genre, est-ce que si je dis un truc et que c'est le bon, tu vas pas changer dans ta tête? Ah oui, la dernière fois, il a dit un truc totalement random et il a eu ça. Hein, donc, ouais. Un personnage d'ici, bon, on va pas prendre un truc trop connu. Allez, Superboy. Non. Putain! Et j'y ai trop cru! Trop bien, mec! J'y ai trop cru! C'est pas super. Attends, studio, franchement. Tu devrais travailler dans le prochain Civil War. Alors, parce que là... Nous passons à toi. Alors, il fait partie de la race des Znarniens. Bah oui, c'est le fameux. Le Znarnien, c'est quoi un Znarnien? C'est pas le mec dans Superman, là, Mister, je sais pas quoi, là. Non, c'est pas lui? Non, bon, c'est pas lui. Son surnom est Kundian, ce qui veut dire celui qui dévore vos entrailles et aime ça. Oh putain, je le sais. Je bossais sur un quiz et j'avais le même indice. C'est un méchant, non? Ouais, en même temps avec un. Avec un nom pareil. C'est le pote de Batman. Putain, merde. Tu peux dire Libermero. Martian Manhunter. Non. Thomas, alors j'en suis où ? Alors. Son peuple était un modèle d'harmonie et de paix, mais lui était une anomalie. Thanos. Non, je regarde. Bah, du coup, on va dire son opposé, Darkseid. Non. Non. Je sais pas. J'ai peut-être une idée, est-ce que tu peux le redonner depuis le début ? Donne l'indice. Il tua tout son peuple en créant un insecte mortel. Gauntlet. Non. Non. À peine né, il dévore les doigts de la sage-femme et tue les médecins. Ça me dit un truc. J'en ai foutrement aucune idée. Je passe le micro à James. Vas-y. Ses ennemis sont Vrildox, Etrigan ou Goldstar. Un truc obscur, d'accord. C'est même pas un truc cosmique, c'est un truc mystique. Mais non, c'est dans les New Gods, ça. C'est dans les New Gods. Non, les démons étrigants, c'est pas les New Gods. Bon, après, on va aller dans la question, dans les indices plus faciles. Attends, je vais répondre. Ouais, ouais, t'as Putain, merde, ça s'appelle comment Dark Vador. De Darkseid dans les New God Aquaman. je sais pas. Il est Atrigan, c'est dans les démons. Il est créé en 1983 à la base comme parodie de Wolverine. Je sais. Attends, parodie de Wolverine. Deadpool. Non, je sais pas. Avant-dernier indice. Ouais, on se concerte pas. Je sais, moi. C'est toi qui auras le dernier indice en plus. Lors de ses aventures, il devient Howard le Canard, Robocop et est engagé par le Lapin de Pâques pour tuer le Père Noël. Je peux répondre ? Non. Et ça, c'est les indices faciles, on est d'accord ? Bah. Ouais, bon, bah. Là, il manque de la culture d'ici, j'ai pas. Ah. Toi, tu sais ou pas avant que je te donne l'indice ? Non ? Moi, je sais. C'est un chasseur de primes. Mec, tu sais, on en a parlé il y a pas longtemps. C'est le dernier indice. J'ai un indice pour toi, mais tu vas trouver tout de suite si je le dis. Au nom de notre amitié, tu peux le dire ? Non. Je vais accorder le point à James. Non. On fait 50-50 sur les points. Bah, il y aura un demi-point chacun. Hein. The Mask. Ah, non. Non, mais non, c'est pas ça, c'est l'indice. Ah, oui. Ouais. D'accord. J'en ai aucune idée. Je peux répondre. Si je réponds maintenant, j'ai combien de points ? Un point. Lobo. Ouais. Ah bah oui. Bravo James. C'est le. Merci. Oui bon. Ah c'est qui? Non je refais voir tes. Ah mais non tu veux montrer tes fiches du coup. Non, je voulais revoir à quel moment l'indice j'avais capté. Mais... Tu veux? Du coup je délègue le prochain. Le prochain quiz. Ouais. Ah ok. Bah c'était plus long que toi la dernière fois hein. Oui. Non. Ah c'est à partir de Wolverine que j'ai su en fait. Et moi j'avais moi j'en avais trois. Hein. Ouais, mais moi j'avais ça derrière. Excuse-moi. Attendez, on va voir s'il y a une vraie. C'est la question qui. Je pensais que tout le monde allait trouver. Et que même il a écouté. Est-ce que t'as écouté le premier ? Le tout premier podcast ? Ouais. Non. Est-ce que tu sais qui jouait Batgirl dans le film Batman et Robin ? Alors là, c'est le moment où je vais me faire frapper. Parce qu'en fait, non, personne l'a su. Beaucoup Batman et Robin. Genre, moi, il me fait beaucoup rire comme film. Mais alors, par contre, de là à retenir les noms des personnages, enfin, le nom des acteurs. Moi, je m'en souviens même pas. J'ai George Clooney et Schwarzenegger, quoi. Ça s'arrête là. Alicia Silverstone. Ouais. Du coup, c'est qui c'est Désolé. Qui est... Ça va être très drôle. Parce que Maxime, tu es dernier. Ensuite, à égalité, c'est moi et James. Et le grand gagnant, c'est Ben. Non, moi, je suis pas d'accord. Si. Parce que c'est moi qui vais. C'est que le dernier truc qui compte pour moi les points. Les autres c'était juste pour savoir qui commencerait. Donc qui sait qui a eu. C'est James qui gagne avec un point. Bah non parce qu'en fait j'ai deux ça réponses. Ça veut dire que donc, moi qui dois faire non. Le prochain. C'était mon coup. Parce que j'ai eu deux réponses à tes questions. Donc... Maxime, moi j'ai gagné quoi du coup. Je veux mon cadeau maintenant. Du coup qui fera le prochain quiz. C'est Maxime. Si vous dites celui qui a gagné, je parce me casse. Parce qu'il a pas trouvé alors que je l'avais. Franchement, on est d'accord que mon indice c'était génial. Oui, il était génial. On en avait parlé il y a pas longtemps. Parce qu'on avait parlé pour les gens qui sont pas apparemment, enfin selon Mathieu qui n'est pas là d'ailleurs on lui fait un petit coucou, on lui a pas dit bonjour au début du podcast. Salut Mathieu. Un des meilleurs runs de The Mask, c'est Lobo et The Mask. Je crois qu'on en a parlé avec toi. Ouais, on en a parlé. Ouais. Et j'en ai lu en partie. C'est franchement c'est rigolo. Donc voilà. Donc si vous voulez lire du Lobo, l'idée Lobo et The Mask, c'est pas mal. Et on va passer à... J'attendais que quelqu'un prenne la main, mais en fait, pas du tout. Killing Joke. C'est... Est-ce que tu veux que j'introduise ce film ? Ouais, vas-y. C'est la... Nous sommes à la partie ciné. Alors, pour la petite histoire... Normalement, ce serait Gilles qui devrait... J'ai fait un live stream à James de mon visionnage du film. Et dans mon petit fil conducteur, j'ai marqué The Killing Joke, l'animé de la honte. James dit que ça lui va bien. Vous avez tous vu Killing Joke ici ? Ouais, en partie. Oui. Toi, tu es comme moi, je sens bien. Je sens que t'as fait comme moi, t'as fait. Allez, ça, on s'en fout. J'ai mis des petites avances rapides. Hein, Ouais, moi j'ai coupé carrément. On est d'accord que les trois quarts du film ne servent à rien. Déjà tout le début avec Batgirl. Oui, bah voilà. Une partie du film qui. En fait, on est d'accord que la seule partie du film intéressante, c'est le moment où Batgirl baise. Non, bah non. Ah si, moi c'est le seul moment que bah j'ai. Bah non, voilà, cinéma. Merci. Et alors là, tu vois là... une croix de nazi. On a touché alors, à la bad du girl. Coup, alors du coup, on... il a eu mal à pour, sa bad girl. Pour vous mettre dans le contexte du film, alors j'ai pris des citations les de plus dire, qualitatives qui sont présentes dans les 30 premières minutes du film. Il y en a une petite dizaine et en tout, il y en a peut-être une toutes les minutes. Hein. Mais là, j'ai coupé, j'ai pris les meilleures qui me plaisaient, tu vois. Alors, j'ai « Bad girl me chauffe »,« La chauve-souris et sa pétasse »,« Ton petit ami dans le coin », »,« Arrête de jouer les lourdingues », »,« Tu sais bien qu'elle me chauffe ». Dans le genre préliminaire, il y a mieux. « Tu sais qu'elle va pas me tenir en laisse quand même, cette pute ». Ce type-là est un macho, il me traite comme un vulgaire objet. Les filles aiment les grosses surprises. Et donc... J'aime quand tu dis des choses comme ça. Et du coup, ça encore, tu vois, j'ai fait un condensé parce que je me suis dit, je vais pas sortir tous les moments où il y a Batman, il a un gros kiki ou ça me plaît, tu vois. J'ai un peu élagué. Et du coup, choqué Thomas, ça Enfin. Il est PG-18. Non, ça m'a pas choqué, mais en soi, dans le truc, ça m'a pas trop plu. Genre, Bad Girl qui parle à son ami PD stéréotype en parlant de Batman, j'étais mais, oui, mais pourquoi vous avez fait ça et Brian Azzarello, mais qu'est-ce t'as branlé? Attendez, les gens qui n'auraient pas vu le comics, enfin qui n'auraient pas vu l'animé, ouais, c'est tiré du comics dont on a parlé la dernière fois dans le dernier podcast. Quel donc que Maxime a autant adoré avec Brian Bolland et Alan Moore, qui quand même si Maxime ne l'a pas trop aimé, c'est quand même un comics culte, une série. Un titre très très culte de l'univers de Batman. Et c'est Thomas qui va filer sa maladie. Donc du coup, on commence le comics. En fait, c'est modernisé. Je sais pas vraiment si c'est de nos jours ou dans le futur. C'est de nos jours. Batgirl a un iPhone et elle FaceTime avec le méchant. Et en fait, il y a le film fait quoi, 1h20, 1h15. Et il y a 40 minutes de Bad Girl qui. Franchement, c'est pas du tout c'est pas du tout la Bad Girl que j'ai lue dans Bad Girl Year One ou dans Bad Girl, le run de Babstar et de je sais plus qui c'est qui est à l'écriture. Cameron Stewart. Ouais, voilà. Donc c'est pas du. C'est une espèce de. Elle est. Enfin. Comment définir ? Elle est très conne, elle est très très passive-agressive. Et elle m'a fait penser à la Catwoman qu'on a eu dans le film Catwoman. Dans le style, elle se confie à son ami PD, ça j'ai pas compris. Mais j'ai pas compris ce délire de mettre un personnage gay pour qu'il soit aussi stéréotypé. Quoi. Le ouais, truc. C'est vrai. Je veux pas ne pas être d'accord avec toi pour le manquait coup. Le petit panneau I'm gay au-dessus de sa tête. Quoi. Bon, malheureusement, moi je l'ai vu en VF. Je crois que tout le monde l'a vu en VF. Ouais, VF. Alors non, moi je l'ai vu en VO. Putain, mais tu l'as trouvé où, enfoiré. C'est pas moi qui l'ai trouvé en fait. De toute façon, il est sorti, hein, sinon tu l'achètes. Et alors en fait, faut. on écarte. Sinon, tu l'achètes. En fait, le seul point fort que j'ai trouvé au film, au final, c'est Mark Hamill qui double le Joker. Nous, en VF, on l'a pas eu, donc. Ce qui est drôle quand même, c'est que moi j'adore les doublages français de Batman, et là j'étais gravement déçu avec la voix du doubleur de Heath Ledger dans le film de Christopher Nolan, là, qui faisait la voix du Joker. J'étais en mode, mais mettez-nous, comment il s'appelle celui qui Doc, donne, Doc Brown. Moi, je m'attendais Christopher Lloyd, Je pensais qu'on allait avoir la voix de Christopher Lloyd dans le dessin animé des années 90. Mais Batman, il y a Kevin Conroy, et là on a une. Franchement, la VF. Oui, c'est la VF de Superman. Ne regardez pas ce film en VF, si franchement, faites tout pour le regarder. Mais ne regardez en VO, pas ce film, tout simplement, je pense que vous pouvez éviter. Autant lire le comics. Contrairement à ce que disait Ben, moi je trouve que le plus. Ou pas d'ailleurs. Le plus intéressant dans le comics, c'est le moment où c'est vraiment le run d'Alan Moore et Brian Bolland, qui est repris à peu près case par case. Parce que, en gros, pour introduire le truc, genre, en fait, cet animé, ça reprend. Le comics Killing Joke, mais avant tout ça, il y a une première partie écrite par Brian Bolland où on nous introduit Hit Girl pour en gros donner plus de profondeur à l'histoire. Bad Girl. Mais cette histoire Bad Girl, elle est dans quelque part ou ça a été. Non, ça a été inventé. Et apparemment, selon Paul Dini, parce que Paul Dini a vu tout le monde qui rageait sur Twitter et il a voulu se justifier parce qu'apparemment il était dans la boîte de prod. Et c'était pour donner un peu d'humanité, et que les gens s'attachent à Batgirl avant ce qui lui arrive. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que... bon, on va pas spoiler, tout le monde sait que Batgirl se fait tirer dessus et se fait violer par le Joker et ses sbires. Mais le problème, c'est qu'on a, allez, 40 minutes de Batgirl qui est chiante comme la mort. D'accord, ça pourrait peut-être hypothétiquement être attachant, même si c'est vraiment mal écrit. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle se fait tirer dessus, on s'en bat les couilles. Elle apparaît 30 secondes et personne n'en parle, tout le monde s'en branle. Elle a une réapparition une fois qu'elle s'est fait tirer dessus. Si, genre, on la Batman revoit un moment. Vient la voir en mode nanana. Mais elle parle même pas. Le film, on la revoit. Genre, ça m'a tellement marqué que j'avais même pas souvenir qu'on la revoyait, quoi. Batman va sur le lit, va dans l'hôpital, et en fait, tu vois ses pieds. Mais c'est dans le comics de toute façon, cette histoire. Enfin, oui, après, si tu veux, ils peuvent se défendre et se dire ok, c'est du case à case en fait, mais. Du coup, ça sert à quoi, voilà, de faire. Le truc, c'est que s'ils avaient fait du casse-à-casse, ça aurait duré 15 minutes. Mais le problème, c'est que faire du casse-à-casse, c'est bien. Fais un court métrage. Tu fais du casse-à-casse sur un comics qui, de base, a quelque chose à te raconter, quoi. Le truc intéressant qui est les origines du Joker, c'est long. Non, mais c'est passé en 30 secondes. Mais c'est surtout que c'est passé en 30 secondes et sincèrement, les flashbacks, ils sont pas intéressants. Enfin, moi, les flashbacks, je les ai pas trouvés intéressants. Oui, bah parce après que c'est mal écrit parce après, que c'est mon parce point que le de truc vue est mal écrit. Mais les flashbacks sont pas intéressants. Les moments où ils sont dans le présent, bah au final c'est ou chiant quand c'est Batgirl ou chiant quand c'est pas Batgirl. Au final, enfin. Non, après tout le truc avec le Joker et le commissaire Gordon, c'est le comics donc forcément. Oui, mais je suis pas fan de Killing Joke à la base, donc j'étais pas fan du film. Enfin, beaucoup de gens attendaient Killing Joke, l'animé comme le Messie. Bah non. Ouais, mais quand t'es à la base, t'es pas fan de Killing Joke, moi non plus, je suis pas fan de Killing Joke. Après, le Joker dans l'animé est toujours mieux que le Joker qu'on a eu dans Suicide Squad, par exemple. Mais c'est pas dur. Moi, ce qui m'embêtait dans Killing Joke, dans le comics à la base, c'est que j'imaginais mal le Joker violer quelqu'un et trucs comme ça. Alors que le Joker de Suicide Squad, je le vois bien, lui, rien à foutre, aller violer Batgirl. Surtout qu'il y a un moment, pour pas spoiler, de toute façon, on s'en bat les couilles de spoiler, il y a un moment où il y a deux putes qui parlent avec Batman et elles sous-entendent que, en fait, à chaque fois qu'il sort de Arkham, il va niquer avec ses... Alors j'ai du mal à imaginer le Joker ça, moi, de Killing Joke. Ou des comics. Mais surtout, moi je vois pas du tout le Joker qu'on voit juste après. Allez, encore violer Barbara Gordon, peut-être. Non. Mais aller voir des putes ou ce genre de truc, pas du tout. Enfin, mais moi je vous conseille de lire le comics parce que il y a plein de trucs qui. Enfin, Killing Joke, l'adapter en animé, c'est faire plein de choix parce que Killing Joke, il y a plein de moments qui sont suggérés dans le comics qu'il fallait mettre à l'écran et je me suis dit ça va être galère. Et par rapport à ça, je trouve que le dessin animé. Il a fait à peu près comme le comics, enfin c'est encore dans le suggéré, il a pas pris trop de risques à part la partie 1. Tu vois les images. Ouais. Tu vois les images que quand le commissaire Gordon est dans l'espèce de train fantôme, tu comprends qu'elle s'est fait violer, tu la vois à poil et tout. Mais toujours par rapport au comics, à la fin du comics Killing Joke, on a les paroles de Batman au début qui reviennent vers la fin où il donne quand il raconte tout au Joker qui sait qu'il va tuer l'autre en premier. Et dans l'animé, ils ont même pas fait ça, ils ont pris le choix de pas intégrer. Bah si, intégrer... le dit quand il va parler au faux Joker. Normalement, il retranscrit parfaitement les dialogues de Batman au début. Ah, pour fin. Un côté symétrique, ouais. C'est ce que tu veux dire. Oui, bah il n'y a pas ce côté symétrique du coup. Moi, je pense qu'ils n'auraient pas dû rajouter le côté avec Batgirl. Enfin, oui, franchement, c'était un mauvais Batgirl. Déjà, là, elle était maltraitée, elle n'était pas... Non, je pense que Maxime, qui est à côté de moi, qui est très fan de Batgirl, est en train de bouillir de rage. Et pendant tout le... Parce que comme il a dit, il m'a envoyé des messages pendant qu'il regardait. En plus, un autre truc, c'est qu'il rajoute un méchant totalement random. Donc ils sont pas les couilles complets. Le méchant est le cousin de Alan Parrish de Jumanji. Ouais, c'est ça. Ce mec, on s'en fout, quoi. Enfin, mais pourquoi pas... Autant tu brodes sur quelque chose, va broder sur les origines du Joker. Ça aurait été plus intéressant de voir. Je trouve que, enfin, Il y avait de quoi prendre des risques en faisant un animé Killing Joke, mais prendre des par risques contre, intelligents, parce que là, c'est un des trucs débile. Qui, c'est que ça reste un truc mature, c'est le, on voit des morts, il y a des mecs qui se font tirer dessus, on voit un mec qui se fait tirer, il y a un mec qui se prend une balle. Enfin, les dialogues qu'ils essaient de faire en mode adulte, comme les citations de Maxime au départ, bah, oui, je trouve elles sont juste clichés. En même temps, après, la VF, la VF était vraiment nulle. La VO, quoi. C'est comment ? En même temps, la VO est pas mieux. Ouais. Ouais, enfin bon. Je veux dire, genre, dans la VO, on tombe dans les mêmes clichés, on tombe dans les, on a les mêmes problèmes. Enfin, genre, c'est pas le changement de langue qui sauve l'animé, quoi. C'est mal écrit dans une langue, c'est mal écrit dans toutes les langues, quoi. Tu pouvais l'écouter en espagnol ou en allemand. Préférez-y le comics, quoi. Et ça m'arrache de le dire, tu mais vois. Le truc aussi que j'ai détesté dans cet animé, qui m'a rebuté dès le départ, c'est que dans le comics, c'est le Batman avait les oreilles arrondies. c'est qu'à la base, normalement, le comics, j'adore beaucoup aussi son aspect graphique. Et alors là, l'aspect graphique dans ce dessin animé, j'ai pas compris leur choix de cet aspect. Genre, c'est vraiment moche. Je trouve le dessin animé super lisse. Justement, bah, aussi, mais en fait, pour la petite anecdote, c'est sérieux ce que je vous raconte. En fait, quand on l'a vu à la PCE, il disait qu'il avait besoin en fait d'agrandir sa maison. Et du coup, il a fait Killing Joke pour agrandir sa maison. Mytho. Non, mais mais je pense qu'il a raison, ça doit être ça. Hein. En tout cas, les dessins sont horribles. Enfin, c'est comme le disait James, c'est super plat. Au moins, il y a plus le Batman. Ils n'ont pas repris les mêmes designs qu'ils ont repris depuis 30 ans, les designs de Young Justice, qui étaient sympas dans Young Justice, mais dans les films Batman vs Son of Batman, des heures de trucs, ça allait plus du tout. Faut changer. Ils ont voulu prendre un parti pris. C'est ça. Moi, je trouve que ça se rapproche pas assez du travail de Bolland et c'est pas assez gritty. Je voulais un truc un peu plus. Avec un. Moi, j'aurais préféré tout sauf ça, en fait. Je trouvais ça. Un truc plus brut, plus. Avec des taches et tout. Moins lisse et moins. Vraiment, là, c'était trop lisse. J'aurais aimé un truc plus dégueulasse, plus sale, voilà. Sinon, juste pour savoir, c'est pas par rapport à Killing Joke. Donc, il y a 15 jours, vous avez fait Suicide Squad. Là, vous faites Killing Joke. À un moment, c'est du masochisme de s'infliger ça tous les 15 jours ou vous allez compter faire un truc bien à un moment. On a fait BVS dans le premier podcast. BBS, je pense que c'est le moment où c'est le plus engueulé de l'émission. Donc, mais on reste sur ce principe. C'est du sadomasochisme. Non, mais là, on s'engueule pas. Suicide Squad, tout le monde était d'accord pour dire que c'était nul. Là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est nul. Si tu veux t'engueuler, il faut prendre. Enfin, je sais pas. On parle de quoi là dans 15 jours? Je sais pas encore. On verra bien. Allez, Green Lantern. On sera tous d'accord, moi. Hein. Non, mais je tiens à dire quand même que c'est la première fois que tout le monde est d'accord. Parce que sur Suicide Squad, j'ai dit que j'ai quand même bien apprécié le film. Moi aussi, moi j'étais pas là, mais moi j'aurais dit que j'ai bien aimé le il film. Il peut donner enfin son avis. Ouais. Mais je pense que. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur cet animé? tout le monde a que dalle à dire sur Chef Delon. Il était. Il était pas sale. Moi, ce que je comprends pas, c'est que. On me dit, tu regardes, tu lis en scan et tout, mais vous films vous avez acheté ou vous les avez regardés? J'ai acheté les autres, mais j'ai pas acheté celui-là. Si tu veux, si tu veux, j'ai acheté Flashpoint Paradox, j'ai acheté Mask of the Phantom, j'ai acheté les autres, mais alors lui, j'aurais préféré, tu vois, me couper une couille, tu vois. Bravo. Et il en a plus qu'une. Et Flashpoint Paradox, c'est vraiment pourri à côté du comic. Je voulais le dire. Enfin, genre juste, c'est surtout que si on voit des histoires sur le Joker, il y en a d'autres que Killing Joke qui sont beaucoup plus intéressantes. Vas-y, cite. Vous avez vu le court-métrage alors, là qu'ils ont. C'est la question que je me posais la dernière fois quand on s'engueulait sur. Enfin, on débattait sur Killing Joke. Que moi, je c'est un des seuls titres où dire que tu veux lire un truc sur le Joker, bah tu lis le truc de Bermero et Azzarello et tu lis Killing Joke parce que à part ça. Je vais en citer un que j'aime beaucoup, qui au début j'ai eu un peu de mal avec, mais maintenant que je l'ai relu plusieurs fois, j'apprécie vraiment beaucoup le comics. C'est chez DC Renaissance, enfin chez DC, c'est apparu chez DC Nemesis et c'est Emperor Joker. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est Emperor Joker. C'est le Joker qui est arrivé à capturer le fameux lutin dont parlait tout à l'heure Maxime. Mister, de toute façon, il a que des consonnes dans son nom. Et qui est arrivé à lui voler ses pouvoirs et qui a remodelé l'univers à son image. Oui, la couve, c'est une carte de jeu et c'est le Joker et Superman. Du coup, on se retrouve avec Bizarro numéro 1 en leader de la Justice League, Superman et Batman en ennemi. Avec l'ancien Superman, c'est-à-dire qu'il a plus le pouvoir de voler, il ne peut plus que sauter. Enfin voilà, donc on a plein de trucs comme ça. C'est un run qui est super intéressant. Alors c'est un run du Joker sans Batman, ce qui est assez bizarre au début, puisque c'est au final le Joker affronte Superman. Mais c'est super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce comics. Donc, si vous voulez lire du Joker, allez, lisez Empereur Joker. Je sais pas quoi là. C'est un ennemi Superman au final. Plus que de Batman. Mister, le nom, c'est un ennemi Superman. Mais est-ce que je peux donner un point positif sur Killing Joke? Ouais, vas-y. Parce qu'il faut quand même en donner un. Je trouvais que le final, de le voir en vrai animé, je trouvais que. Enfin, même si la VF était vraiment nulle, mais de le voir en vrai, ce dialogue, je trouvais que ça rendait ça plus vivant que dans le comics. Ouais. Vous avez vu le court-métrage sur le Joker là qui est sorti il y a pas très longtemps? Oui, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. On peut débattre sur ça. Ouais, il est vraiment très très glauque. Ouais. On mettra un, tu enverras un lien, Maxime. SMS ou genre. Ouais, je sais pas si vous l'avez vu vous. Non, je l'ai pas vu donc on peut pas en parler. En voiture cette fois parce que là ça va mal le faire. Mais franchement, franchement c'est super très flippant. Ouais. Vous tapez Joker fan film sur YouTube au pire. Ouais, on l'a pas vu, on en parlera une prochaine fois. Ne tapez pas ça parce que vous allez vous retrouver avec 150 fan films quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va couper sur ça. Merci à tout le monde d'être passé. Mais de rien. Ben, on verra, on va voir à la fin de l'heure. Déjà, tu merci de m'avoir permis de venir. Et c'est avec plaisir. On verra les appréciations de tous tes professeurs pour voir si tu reviens ou pas. C'est pas normal. Moi, je dis au revoir à Gilles. Salut Gilles. Salut James. Au revoir Max. Au revoir James Souney. Et au revoir le Geek Chic, puisque oui, il faut rappeler, c'est quand même le Geek Chic. Même s'il ne sort pas de vidéo, vous pouvez aller voir sa chaîne, aller regarder ses anciennes vidéos pour lui refaire des vues, aller mettre des likes dessus. Tu sais que grâce à toi, j'ai gagné 2 abonnés hier. Wow. Tu sais que je me suis abonné à toi lors du premier podcast, mais j'hésite à me désabonner là, il n'y a plus rien. Et ça fait que depuis à peine un mois que j'ai pas sorti de vidéo, ça. Moi, j'ai pas d'adresse, moi, je suis pas abonné. Bah peut-être que si tu sortiras une vidéo, et si elle est bien, et il la regardera et il s'abonnera. Ok, bah je vais faire la même. Si ta maman participerait aux vidéos, moi je regarderais. Bon. Et n'oubliez pas que vous avez toujours ma chaîne, donc l'Amicale du Geek, vous pouvez aller voir. On a sorti. Qu'est-ce qu'on a sorti? Bah, on a sorti 15 questions. Ouais. Bon, malheureusement, on a un petit problème sonore sur le truc, donc je m'excuse d'avance pour ce petit problème sonore. Vous pouvez aller aussi sur Facebook, vous retrouvez toutes les infos. Il y a le Facebook de Comics Discovery aussi, vous pouvez aller vous liker, on n'est pas grand monde. Mais j'ai mis en petit bonus, j'ai mis toutes les images que j'ai utilisées pour illustrer surtout le partie 2 où on parle des scénaristes, et des dessinateurs et des titres qu'on aime bien. J'ai fait spécialement des petites images que j'ai mis en bonus sur le Facebook, donc vous pouvez aller faire un petit tour. Donc Comics Discovery tout attaché. Vous pouvez aller au Facebook du Geek. Ah non, il n'y en a pas encore. J'ai lancé, tu vois, mais il faut que tu fasses une page Facebook, mec. Je sais. Mais parce que je vais refaire l'aspect graphique de ma chaîne YouTube. Et à partir de là, je referai. Tu feras ta page. Je ferai ma page Facebook. Okay. Et je vais aussi me faire une intro. Waouh. J'ai hâte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Merci à Game Taverne. Oui, et merci à la Game Taverne de nous avoir accueillis. J'ai oublié de le dire en début. Ça fait depuis 4 fois qu'ils nous accueillent et c'est vraiment très bien. Je vous conseille vraiment d'aller 22 Ricandol pour jouer à des jeux, boire de la bière. Allez sur leur page Facebook. Allez sur leur page Facebook aussi. N'oubliez pas, sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Plus on aura d'avis et plus on aura d'étoiles sur iTunes, mieux on sera référencé sur le site et on pourra toucher des potentiels nouveaux auditeurs. Donc ça pourrait nous aider beaucoup, beaucoup. Sur ce, je vous dis au revoir. À dans 15 jours. Et bye bye. Exactement. Allez, bye. Au revoir.